côté, mort de rire. Continuez, je vais stagir, c'est un mec sympa, mais vous pouvez y aller. Je vais stagir, non, sympa. Non, non, non. On continue pas. Bon, merci beaucoup. Je vais stagir, c'était le récupère crotte de Louis XVI. Oh, c'est gênant, là. Bonsoir au chauffeur DPD Benzema, qui je croise tous les matins. S'il me reconnaît, je suis chauffeur chez Renus. Bonsoir à toi. Salut. Je vais stagir, c'est la mère Noël. Je vous kiffe, j'aurais eu droit à mon cadeau d'anniversaire. Ah, bah bon anniversaire au concert. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ouais, vraiment, c'est la pute de Mesrine. La pute. Non, mais les mecs, arrêtez avec je vais stagir. Ah ouais, je vous ai rien fait en plus. Non, non, c'est, non, mais il y en a que je peux on pas peut lire. Se tromper, ou pas. Arrêtez de me l'envoyer, ce monsieur, je ne pourrais pas le lire. On fait un break là. Monsieur Moustaché, je peux pas le lire. C'est bah, bien quand même. Évidemment, ouais, ça va loin là. Je parle évidemment de Charles Trainé. De Charlie Chaplin. De Charlie Chaplin. Ah ouais, ouais, c'est plus proche, ouais. J'ai essayé, elle fait du tourisme sexuel en Corée du Nord. Non, non, non, non. Mais, et il juge Kim Long Beat. Ah. Mais... Et vous vous rendez compte de ce que vous écrivez là? Kim Long Beat. Ouais, le 64 là. Ah putain, allez, FIFA au lieu de raconter les graines. Allez, je vous file FIFA là. Guillaume, un espace FIFA avec votre numéro de téléphone au 6 11 12. Vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'il y a, JM? Ah, mais arrêtez, ça va. Bon, il est nul celui-là. Je sais déjà, c'est la salope de Casimir, c'est nul. Mais il est nul à chier. Ça va faire. C'est le moins drôle. Mais c'est nul à chier. Bah, au moins, un peu lire. C'est quand même méchant pour moi, non? Attendez, je vais essayer de cautionner. Non, mais non, mais je peux pas les lire. Non, mais alors là, le gars. Et en termes de respect, comment ça se passe? C'est le défouloir sexuel de la mission sur Mars, le stagiaire. C'est la catane de Dodo à Saumur. Mais comment vous démontez notre stagiaire? Mais arrêtez. Et moi, je reste calme, je reste zen, sinon je casse un truc. Allez-y, Guillaume, un espace FIFA. Si vous voulez FIFA 17, je vais appeler. C'est pour le FIFA 17 sur PS4 qu'on vous offre. Guillaume, un espace FIFA. Avec votre numéro 612. On se fera nouveau Guetta dans 2 minutes. Et j'avais dit qu'on s'écouterait la maître Gims et Jules. Je garde la foi, je suis le chasseur de la proie. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout va bien, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. Allez, on s'écoute maintenant, on avait promis de s'écouter depuis tout à l'heure. On se fait Gims, Jules, Boucan. Y'a pas de son, on est d'accord là, non? Non, on part pas là. Ah mais si, oh, putain, y'a un bug. Voilà, excusez-moi, il y a eu un bug, il est parti sur certaines villes. Voilà, il est parti partout là. Maître Gims, c'est qui le con qui est avant nous dans ce studio là, qui me change tous les réglages tous les jours là? Je sais pas, il y a des caméras, on va regarder. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un bug, parce qu'il faut que je change tout là. Voilà, ah ouais, j'ai rechangé la table de mixage. Du coup, j'ai coupé, j'ai essayé. Ah bah c'est plus, ouais. Au moins, vous m'entendez mieux, mais j'ai essayé, on m'entend plus. Voilà. Il y a plus de bits qui rentrent dans le cul de. J'ai essayé que les bits qui sont en de Gaulle. Après une journée de taf de merde, un FIFA 17, ça serait cool. Et ben voilà, envoyez, on fait un petit tirage au sort, on en a plein là. Salut Ludovic Lopez, mon homme, voilà à toi là. Salut. Bon, arrêtez d'emmerder mon copain, j'ai un stagiaire. Ah, attention, où vous pète toutes vos petites gueules, même si j'ai un stagiaire et la petite pute du prince, propriétaire du PSG. Salut Tom Ludovic. Alors, pas du tout. Salut Tom. Bonsoir à toi, je t'écoute tous les soirs, j'ai un stagiaire, c'est la pute de la jungle, la Calais. Non, arrêtez de dire ça, mais sérieux. Je garde la foi. C'est débile, c'est vraiment pas bien. C'est insultant. Ah putain. Ah les gars, vous êtes complètement ouf. J'ai un stagiaire, c'est maîtresse de Forest Gump. Non mais à quel moment vous avez pensé c'est la pute de la jungle de Calais? Non mais franchement. Et vous avez un souci, hein, franchement, vous êtes ouf. Hein. Ce qui est dingue en fait, c'est que vous êtes les meilleurs parce que vous êtes un million. Ah bah, les meilleurs. Jamais personne n'aura des meilleurs vannes que vous. Tranquille quand même. Hein. Salut Guillaume, dédicace à mon amour Cassandra, tu vas manquer pendant ces 4 mois ton militaire qui t'aime. Eh ben bon courage les militaires. Ouais. J'ai un stagiaire, c'est un gouvernement sans fond, ça veut rien dire. Gars. Bah non. Toi, chauffeur TMF et au gros nez de JM du standard. J'ai un stagiaire, c'est Vicou et les chiens du quartier. Non mais les gars, calmez-vous quand même. J'ai rien fait. J'ai un stagiaire, ça déprouve. J'ai plus les lire, mais en fait. Et les mecs, mais vous êtes plus tu les lis, plus ça continue, c'est sûr. J'ai déjà c'est la bubule d'un conti t'avure. Non mais le défoncer les mecs, il a rien fait. Ah, je vais pleurer après. En plus j'ai vu j'étais déjà tout nu dans une vitrine à Guéry Lafayette. Ah super. Il y a que des messages sur lui. Quoi le rapport? C'est déjà c'est putain Zlatan, merci beaucoup. Putain Zlatan. J'ai déjà va faire une chanson, tu te feras pour autant tailler de la ligne de Paris. Salut. J'ai vu c'est la bubule d'un Rocco. Salut. Ah ça va. J'ai déjà tu sais plus de bananes qu'il en a épluché. Ah je les mange aujourd'hui par contre. Le mec de Julien c'est Boudère. J'ai stagiaire, c'est. Non, mais les mecs, vous êtes. Franchement, c'est. Et le fait quelle pointure en juillet. Non, mais les questions, ça veut rien dire, quoi. Ça ne veut rien dire, quoi. J'ai stagiaire, c'est un peu de ma gloire. Oh, mais arrêtez, c'est épuisant. En vrai, sans aucune radio au monde, t'entends des trucs comme ça. Ah, ouais, non. Franchement, bah oui, c'est à tous les TMFO, les TFMO qui roulent cette nuit, là. J'ai stagiaire, c'est le cul du. C'est sur le tunnel du Mont Blanc, deux fois deux voies, dédicace à des pompiers de l'Ain. J'ai stagiaire, il lèche le cul, le trou de balle. Il lèche rien. Salabus, il a pas à quel moment vous en écoutez, salut, j'ai ah, vous avez un problème. De 10-60. Il n'y a que de ça. Ah non, mais je pourrais faire tout ça. Il faut mettre autre chose. Mais je vous dis, une musique. J'ai un stagiaire, c'est le moche de Suzanne Boyle. Le quoi? Le moche? Le moche, je sais pas. Ça n'a rien à voir. J'ai un stagiaire, ça a été engagé à Fleury pour ramasser la savonnette. J'ai un stagiaire, c'est la maîtresse à Jacques Chirac. Salut. Oh non, bah. J'ai un stagiaire, c'est ma bulle, Dodo La Saumure. Merci beaucoup. Eh, mais les mecs, vous êtes complètement fous. C'est une agression. Ah non, non, il y en a. C'est un lynchage. Je suis au sol, là, ça y est. C'est le 668 qui t'a fait rage. Non, mais les mecs, non, non, mais ça, je lis ça, je vais en zonzon, je vous le dis. Dis-le. Guillaume lèche les pieds. Ah, mais vous allez pas bien. C'est la cochonne de Women, salut. J'ai un stagiaire, la maîtresse. Non, mais il y en a trop que je peux plus lire, les mecs. On arrête le jeu. On fait, s'il vous plaît. Ils vont tout continuer. Non, non, pause. Non, mais arrêtez, les mecs, vous me pourrissez mon écran, je peux plus continuer l'émission. Ouais, ouais, balance une musique. Guillaume, et votre message aussi, 112. Non, mais arrêtez de m'écraquer les messages à la con, là. Ouais, ouais, changez, là. J'ai un stagiaire, une gueule à sucer ma queue, merci beaucoup. Une gueule à s'en mettre dans la gueule, tu vas voir. J'ai un stagiaire, c'est à 4 ans de François. Ah, mais les gars, ça ne veut plus rien dire. J'ai un stagiaire, c'est lui qui a tourné un sextape à Valbuena. Ça a vrillé, là, c'est bon. Non, mais arrêtez. Franchement, on arrête. En fait, je peux partir aussi, toi. Mais je stop tout de suite le ouais, truc. Là, on se fait Gims et Jules. Et Jules, on sait où quand. On se fait Guetta le nouveau avec Cédric Gervais là. Would I Lie to You. Boosty, après on s'écoutera Popcorn. Ouais. Tous les plus gros hits sur Énergie. Et on va parler avec toi, Marie, des plus gros gains qu'on a gagnés. Parce que t'as gagné une voiture, toi, c'est ça, Marie? Oui, c'est ça. Une Citroën C1. Ah, t'as de la chance. Ouais. C'est énorme. C'est, tu vas nous raconter comment tu l'as gagné. On va se raconter les plus gros gains. Si vous avez déjà gagné un gros truc, Guillaume et votre message au 612, on se fait le jeu Il n'en restera qu'un. On va prendre 8 d'entre vous, Il n'en restera qu'un, pour gagner une Xbox One. Il y a des tablettes Samsung Galaxy Tab A et FIFA 17 parce qu'il est juste après sur les gars. Guillaume et FIFA avec votre numéro au 612 pour pécho, fait un tirage au sort après. Préparez-vous à découvrir les nommés à la plus grande cérémonie musicale européenne. Energy Music Awards. Les Energy Music Awards 2016. And now, come on, the nominees. Découvrez chaque jour sur energy.fr la liste des catégories et des nommés. Rendez-vous aux Energy Music Awards, l'événement à ne pas rater. Et rendez-vous le 12 novembre à Cannes. And the winner is... en direct sur TF1. Vote pour moi. Et Energy. Oh, no. Thank you. It's music only. Moi, pour le jeu vidéo, c'est la nouveauté avant tout, comme la nouvelle PS4 ou FIFA 17. Ah, moi, pour le jeu vidéo, c'est le prix qui compte. Moi, c'est la nouveauté et c'est Leclerc. Ah non, c'est le prix le plus important. Et moi, je vais chez Leclerc. Leclerc ? Découvrez la nouvelle PlayStation 4 1 Tera et FIFA 17 pour 349 euros seulement chez Leclerc. Voir modalité de l'offre dans les magasins participants, prix maximum conseillé. Énergie, it's music only, avec Claudio Capeo en concert. Retrouvez Claudio Capeo pour sa première tournée dans toute la France et le 6 décembre à la Cigale à Paris. Infos et réservations, energie.fr, claudio-capeo.com et point de vente habituel. Claudio Capeo, en concert, un événement énergie. Vous cherchez quoi en fait? Faire des rencontres. Un moyen simple et sympa de trouver de nouveaux amis. Faire des amis, pourquoi pas trouver l'amour? Accéder à des centaines de profils qui vous ressemblent en envoyant Célib au 63602. Le premier service chat SMS de France à votre service. Simplement en envoyant Célib, C-E-L-I-B, au 63602. Rejoignez-les vite. Envoyez Célib au 63602. 50 centimes plus prix du SMS, et énergie. I can hear the whispers about me, about me. It hurts if I let all the poison in, if I let them win. Close my eyes and I just breathe, I just breathe. Hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it up when you're mad, make it rain, you're trying to pull my.

ils arrivent à le faire pendant 2 heures sans s'arrêter. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie. Merci les mecs. Hein. Guillaume, et votre message là aussi, 112, 22h31, on est en direct. Si vous voulez venir faire de la radio avec nous, vous êtes à la maison les mecs. Hein. Le standard il est gratuit, le SMS il marche aussi, il est allumé. 0800 70 42 48 pour nous appeler. On offre plein de FIFA là maintenant sur PS4. Vous avez envoyé Guillaume et FIFA avec votre numéro de téléphone. Je vais en appeler quelques-uns là. On va rappeler hors antenne aussi avec plaisir. On en a plein. Et on va retrouver Marie qui a gagné une Citroën C1. Elle a gagné. Ça, c'est bien. Oui. On va parler des fois où on a gagné des énormes gains comme toi, ma Marie. Ma Marie. Et ça répond pas. Ah merde. Oh là là. Allô. Ah, la musique dans la peau. Ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom? Edwin. Ça va, Edwin ou quoi? Tranquille, t'es où? Allô. Vous allez bien? Ça va ou quoi, Edwin? C'est moi. Tranquille. De quelle ville, Edwin? Ça va, tranquille. De Cambrai. De Cambrai, bah représente un. Non, je vais pas là. Vas-y. T'as dit quoi? Non, ma sœur, elle me dit mets le haut-parleur, mais je vais niquer toute la radio. Si ah ouais, ouais, bien joué. Il est bon ce con là. Le réflexe. Bah, ouais, bon, bon, t'es déjà passé ou pas à l'antenne? Non, dépistage. Ah ouais, ah putain, c'est. T'es en quelle classe, toi, Edwin? Énorme, mais c'est un truc de dingue. De quoi? Attends, C'est ta petite sœur qui parle? Ma grande sœur. Ta grande sœur, vas-y, bah embrasse-la, hein, dis bonjour, hein, pas de problème. Attends, vas-y, tu peux parler. Salut la petite sœur. Salut. La grande sœur. Non, la grande sœur. Bisous la grande sœur. Non, mais je suis sûr que t'es plus petit que lui, alors je dis la petite sœur. Ouais, c'est vrai. Ah, juste. Alors, tu fais quoi dans la vie, Edwin? Lycéen. D'accord, c'est Edwin avec un V ou Edwin avec un W? Edwin, à l'anglaise. Vas-y, enchanté. En première, t'es? Terminal. Terminal quoi? Littéraire. Eh ben vas-y, un dédicace à tous les terminales, les en L. Vas-y, un dédicace, ouais. Hein, frérot. Depuis longtemps, tu connais l'émission ou tu viens de la découvrir, toi, Edwin? Non, depuis longtemps, depuis. Quoi, quatrième, en tout cas. Arrête, c'est vrai? Ah ouais. Putain, ouais, c'est gentil, quoi. 5 ans, ah, bah depuis le début, quoi. Ouais. Putain, avant, t'étais minuit, 3h en quatrième. Ouais, si, c'est ça. C'est vrai? Ah putain, c'est gentil. Merci et beaucoup. J'écoutais Koé et je vous écoutais jusqu'à une heure et demie, quoi. Ah ouais, tu sais, reste un petit peu tard. C'est cool, merci. Ah, c'est gentil, merci. Et maintenant, t'écoutes de quelle heure à quelle heure le soir? De 22h à minuit. Allez. Ah, putain, mais il est bon, il est ce fort, mec, hein, là. Bravo. Il est bon ce con là, putain, j'ai bouffé là, le mec bizarre, tu sais. En tout cas, je rigole, hein, frérot. T'as dit quoi, j'ai le standard? Non, c'était une petite idée. Ah ouais, c'est vrai, il y a un CS qui il va rester avec vous toute l'émission au téléphone, s'il veut. Ah bah oui. S'il a assez de batterie, on le garde au chaud. Je suis passé à côté du jackpot au loto samedi à plus de 131 millions d'euros, il me manquait un chiffre. Ah ouais, c'est la formule de l'euro million. Ah, tu deviens fou. Hein. Ah ouais, tu casses un truc, tu vrilles. De quoi c'est une nouvelle formule? C'est quoi? Alors, JM du standard numéro 1 sur les barres, allez, oui. Explique-nous ce que c'est que cette nouvelle formule de l'euro million. Non, je sais pas en fait ce qu'il y a exactement, mais je crois que merci, j'aime bien. Non, mais je sais que ça a changé, mais je crois qu'ils ont rajouté une étoile. C'est encore plus dur en fait. Ah ouais. Donc. D'accord. Okay. Voilà. Pourquoi c'est les étoiles, c'est quoi les... Ça a été déjà gagné rien d'autre. Non, mais je suis pas au courant, donc je vais pas dire de la merde. D'accord. Je dis juste que je sais que ça a changé. Bah alors, ferme ta gueule. C'est de l'à peu près. Non, c'est vrai, c'est intéressant ça à savoir. Ça a changé. C'est intéressant de savoir que tu ne sais pas ça. Bon, je t'envoie le FIFA à la maison, Edwin, d'accord? On, on te fait un petit colis Simon dans une petite enveloppe 135 grammes et puis on te l'envoie demain matin. Hein, voilà, c'est technique. Ça marche. Je vais te repasser Flo des Gralos. T'as une meuf, Edwin, ou t'es célibataire, toi, alors là? Non, casé. Casé, voilà. Casé, genre, casé comment? Casé depuis quasiment 2 ans bientôt. Ah ouais, c'est beau, casé sérieux. C'est bien, c'est pour bien. La vie. Tu vas plus beaucoup l'avoir avec FIFA 17 là. Ouais. Merci, la phrase de vieux. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Il est lourd ce mec. Mais c'est vrai. On dirait mon tonton bourré. Mais non. Dis donc, maintenant tu as pu voir beaucoup ta petite amie. C'est la vérité, tu vas sauter FIFA, on le fait tous. Tu vas jouer avec tes petits copains. Voilà. Tu vas la snober. Putain, mais. T'as dit quoi, j'ai essayé? Tu vas la snober. Voilà, merci. Non, mais je ne marche pas, j'ai mis j'aime du standard, j'ai trouvé. Non, mais je l'ai imité, bon, c'est pas grave. J'ai compris. Et donc, non, mais c'est vrai, JM du standard nous fait des phrases. Il a passé la trentaine, il nous fait que des phrases de vieux. Ah ouais, là. C'est la maturité. Ça y est. C'est la fin aussi pour Énergie, du coup. On va au studio en bas et tu vas aller travailler sur Nostalgie. Ah, c'est très bien. Ah non, j'ai pas l'âge encore. Non, mais ça a des super avantages de travailler à Nostalgie. T'es ticket restaurant. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc, t'as la cantine, ouais. Bien sûr. Hein. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous, les potos. Et donc, Edwin qui est là, tu m'as raconté ta gonce, tu l'as rencontré où alors? En seconde, ouais. Ah, tu l'as rencontré à l'école? Ouais. Sérieux? Putain, c'est bien. Et elle était dans ta classe ou même pas? Ouais. Ouais, ouais. Exactement. Ouais. Elle a changé en deux ans, genre elle s'est un peu embellie, elle est devenue plus belle ou elle est devenue plus ouais, grave. Ouais. Non, plus belle, mais c'est... plus relou aussi. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Comment elle a fait alors? Ah, ouais. Bah, ça va avec, hein, souvent. Ouais. Hein. Et puis, plus elle sera belle, plus elle va être chiante. Hein. Bah oui, elle le sait qu'elle est belle. Ouais, bonne phrase de vieux con aussi. Ouais, ouais. J'attendais, j'y aime du sonnage, je regardais, je me suis dit, il va la dire, il a pas dit. J'ai failli, ouais. Bon, et bon, en tout cas, je t'envoie le truc. Edwin, si tu veux faire une dédicace avant de partir, vas-y. Hein. Bah ouais, j'allais en faire. Dédicace à vous, parce que vous êtes géniaux. Merci. Dédicace à tout le lycée Paul Jouet Cambrai. Merci pour eux. Et dédicace à mes potes de quartier, merci. Mes potes d'enfance. Merci pour eux. Merci pour le quartier. Vas-y, un dédicace. Hein. Tu fais quoi, genre le week-end, toi, c'est quoi tes occupations? Tu fais du sport, tu joues à la console, tu geeks, t'es avec des potes, tu fais quoi? Là, j'étais en train de jouer à NBA. Et sinon, ouais, j'ai mon club de foot et je vois des potes, tu fais comme ça. Ah, ouais. Ah, quand t'écoutes l'émission, tu joues un peu tranquille en même temps? Ouais. Ah, ouais. T'es sur quoi? Sur PS4? T'es sur quelle plateforme? Ouais, PS4. Ah bah c'est bon, bah vas-y, ouais. Bah parfait, comme ça le FIFA. Je peux envoyer le message. Bah exactement. Non mais il y en a qui l'envoient et puis qui... Après du coup, ils le revendent. Ils le revendent, pas le droit de le dire. Et ils changent le truc à Micromania. Voilà, donc même si vous n'avez pas de PS4, tu peux vous offrir un truc PS4, un Micromania fait le changement. Voilà. Et bon, en tout cas, vas-y. Hein. Tu joues que à NBA? Bah, j'avais l'ancien FIFA et après, ouais, NBA, Call of, mais Call of ça me saoule un peu donc. Ouais, mais tu joues à Call of sur ordi du coup? Ah non, sur PS4 non, aussi? Sur PS4, ouais. Ah ouais. Parce qu'il y a des mecs en ce moment, ils jouent tous. Sur ordi? Bah, je sais pas là. C'est moins bien, là, c'est revenu? Ah, non. Non, mais en fait, c'est moi, je suis un débile. Parce que je croyais que t'avais dit Counter-Strike. Ah ouais. Alors que Call of, moi, je le fume aussi tout le temps. T'as pas essayé Rainbow Six là sur PS4, mon con? Non, je joue pas trop des jeux comme ça, mais j'ai des potes qui jouent, donc je pense que je vais tester quand même. Ah, c'est vrai, non, il y a le nouveau là, il va sortir quand il s'appelle. C'est pas Call of, c'est Battlefield 1.0. Ouais. C'est en mode de Deuxième Guerre mondiale, ça va être une boucherie absolue. Ouais. Et putain, c'est la première fois. Ah, tu l'as vu la bêta? Ouais. Ouais. C'est la première fois que j'attends un jeu. Autant que celui-là. Ah ouais, comme Noël, quoi. Là, putain, je l'attends. Le soir, je... Tu comptes les jours. Ah, là, non, ça mais... fait longtemps que t'en parles en plus. Non, mais on est d'accord. Oui, non, mais attends, j'en ai parlé avec ma famille encore là. J'ai des cousins qui jouent et tout à distance en ligne et tout. Et j'en reparle, on attend tous le truc avec impatience, quoi. Et le truc sur Call of, il y a le mode zombie aussi. Mais j'ai pas une équipe de gamers trop. Ah non, on peut pas. J'ai un stagiaire, lui. Moi, je suis pas joueur. Hein. À part FIFA. Et toi, encore. T'es pas joueur, toi. Ouais. Bah, joueur à la console. J'aimerais bien voir ce que tu fais sur ton ordi, voir si t'es. Ah, non, alors les réseaux sociaux et des sites. Voilà, des sites un peu. Tu fais sur quoi comme site un peu? Coquin. Ah non, tu fais que des sites de boules. Ouais, que des sites. C'est quoi tes sites où t'es le plus? Moi, par exemple, c'est le blog de Morandini. Je vais regarder ce qui se passe. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a les audiences télé. Ouais. Et je vais regarder. Et puis après, c'est les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Et un peu les sites d'armurerie aussi. Je regarde des sites d'armes à feu. Moi, je suis fan d'armes et je fais un peu de tir et tout. Ça fait un peu chelou de dire ça. C'est un peu bizarre. Ouais. Ouais, je regarde ça. Cool, c'est cool. Non, j'ai stagiaire, je regarde quoi? Moi, c'est Facebook et les sites de sport après. Ah ouais. Voilà. Et YouTube pour les vidéos. Très bien. Quoi comme site de sport? L'équipe et les résultats en direct. Ouais. Foot en direct. J'aime du standard. Ouais, les sites de vidéos, moi. Je regarde pas mal ça, ouais. Spion, tout ça, les conneries comme ça. Spion, les conneries comme ça. Julia, tu regardes quoi, site? Bah, moi, c'est plutôt les films en streaming. Ouais, bon, moi, je t'en viens. J'ai pas d'ordi. T'emmerdes. T'arrêtes de parler, je suis là pour décorer. Snapchat, même. Ah, ouais, c'est pas un site. Hein. C'est pas un site. Ouais, mais bon, ouais. Je me demande quel site est vrai, réponse Snapchat. Ouais. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un site internet. Non, t'es sur quoi sinon? Ouais, non, Snapchat, Instagram et tout. Mais se fout de ma gueule ou quoi? Non, vas-y. Elle se fout de ma gueule. C'est ce que c'est qu'un site. Alors, tout le monde oui, bien sûr. Tu tapes une adresse en haut. Et Instagram, c'est un réseau social. Non, mais je vais pas sur des sites, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, je vais plus sur Internet. Moi, je suis sur des sites de, je sais pas, de montres. De voyage. De vidéos Internet, comme j'aime du standard. Le Bon Coin. Exactement, le Bon Coin. Ah oui. Assos, voilà, il y a des sites comme ça. Ou la météo aussi, c'est bien. Météo France. Des fois, j'y vais pour savoir quel temps il fait, genre le week-end. J'ai un deuxième papy dans mon. Mais c'est vrai, je viens d'y penser. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment une équipe pas fun, quoi. C'est la vérité. Il y en a l'autre. Joueur de météo. Non, mais c'est vrai, c'est détaillé. Joueur de la bourse. Flo des cadeaux, tu regardes quoi? Moi, je suis pas mal sur les sites de vidéos aussi, sur les jeux vidéo et sur Netflix. Ah ouais, à Netflix aussi. Ouais. Mais c'est pas un site internet non plus. Il y a le site. Non, mais oui, mais il y a un site de tout. Tu tapes feuillesdepapier.fr, tu vas sur un site feuillesdepapier, il faut pas la gueule. Depuis 5 ans que je t'écoute, ça mérite bien FIFA 10. Ah bah, on en file plein là. Voilà, Guillaume et FIFA, votre numéro là aussi, 112. vais en faire une petite flopée là. Une petite fournée de FIFA. Et puis Marie, tu m'entends, Marie, au standard? Oui, je t'entends. Marie. Marie, 20 ans, hein, d'assassin, comme on disait. Ouais, tout c'est à l'heure. 20 ans. Représente hein, les assassins. Les assassins. Ouais. Pas les assassins. Assadins. Les assadins. Assadins, tout ouais. à l'heure. Ouais. Eh ben, enchanté. Hein. T'es née à Assas, toi, Marie? Non, je suis à Montpellier. À Montpellier, bah salut à tous les Montpelliérains. Hein, 34 en force. Ouais, putain, dédicace à Montpellier. Merci d'être avec nous, les gars. Hein. T'es né où à Montpellier, Calo Clini? Clémentville. Ah ouais, putain, énorme. Tu connais? Non. Ah. Non, non. Non, mais c'est Clémentville, c'est vers le boulevard Clémenceau? Je sais pas. Merci beaucoup. Il y a un SMS qui est arrivé qui dit mais attends, il y a pas un DJ qui habite à DJ Assas. Non, c'est pas possible les gars. C'est JM du standard. Bah oui, j'ai honte, hein, je m'excuse les amis. C'est pour ça que j'ai pas dit. Je ne cautionne pas du tout l'émission de ce soir, faut le savoir depuis le début. Hein. Alors Marie, donc vas-y raconte-nous comment t'as gagné une Citroën C1. Ouais, alors en fait moi c'était il y a 7 ans, j'avais 13 ans. Et en fait, avec ma famille, on était allés dans un hippodrome. En fait, c'est là où il y a les cours de chevaux. Tu mets une musique de pression, j'ai rien d'autre. Hein, ouais. Vas-y. Et en fait, à l'entrée, on nous distribuait des sortes de bulletins pour un tirage au sort. Donc avec ma famille, on a rempli tout ça. Et en fait, à la fin de la journée, il y a eu un tirage au sort où en fait, j'ai été tirée au sort et j'ai gagné une télévision, enfin un écran plat. Ouais. Et en fait, du coup, le gars, il nous a dit, bon, en plus, bon, j'avais 13 ans, donc voilà, on a dû signer pour moi tout ça. Et en fait, le gars, il m'a dit, bon, ça te qualifie pour gagner, pour un tirage au sort, pour gagner une voiture. Donc, c'était un mois plus tard à Marseille. Donc, du coup, avec ma famille, on y allait. Et en fait, il y avait quatre personnes qui pouvaient gagner, dont moi. Et bah, j'étais tirée au sort et voilà, j'ai gagné la voiture. Putain, c'est dingue. Par hasard. C'est dingue, ouais. Ça. Ouais. Ouais. Cul, hein. Et tu l'as vraiment eu, la voiture, alors? Tu l'as vraiment reçue? Oui, je l'ai vraiment eu, ouais. J'ai toujours l'impression que ces concours, ils marchent pas. Ouais. T'es cherché moi où aussi, je croyais que ça marchait. Dans pas, un garage un garage à Marseille, elle était toute neuve et tout, donc super. Ouais, ça, c'est trop bien. Ah, un cadeau, ça, ouais. Comment tu dois être content, quoi. Ouais. J'ai rien d'autre que cette musique de merde derrière, je suis désolé. J'aime le standard. Déjà gagné une voiture, hein, non une télé. Ouais. Ouais. Ah, mais t'avais raconté. Ouais, c'est ça. Et il y a pas longtemps, en fait, j'ai fait un pari, j'ai pas dit. Ah. J'ai mis 100 euros sur. Ça va être inintéressant. Non, non. À chaque fois qu'il me fait une histoire, qu'il lève le doigt, qu'il me fait un œil, je l'ai pas dit. Hein. Il y a 9 chances sur 10 que ça soit de pourri. Non, mais non. C'est toujours comme ça. Non, j'aurais pu gagner. Vas-y. 1300 euros. Donc j'ai mis 100 euros en fait sur Saint-Etienne qui jouait contre Paris. Et si Saint-Etienne gagnait, ben en fait j'aurais pu gagner 1300 euros. Au final, ils ont fait 1-1 et j'ai pas gagné quoi. Mais je me suis fait rembourser le pari de 100 euros. C'est ce que tu disais. Si, ouais. T'as vu Flo des cadeaux quand je jette de 20? Non, mais ça va, c'est j'ai pas. J'ai rien compris à son histoire. Vous avez compris, Julien? Rien. Ben, j'ai parié 100 euros sur une équipe qui a pas gagné, donc j'ai pas gagné. Donc t'as perdu. Ouais. Mais pourquoi tu lèves le doigt en disant j'ai une date de. Parce qu'au final, je me suis quand même fait rembourser. Mais c'est le premier pari. T'as rien gagné. C'est un vrai pari, tu vois. Donc je me suis quand même. Le premier pari de quoi? Le premier pari que tu fais sur un site, ils te le remboursent en fait. C'est vrai? Ouais. Mais là, t'as pas gagné. Il faut mettre 10 000 euros direct. Ben non, parce que c'est jusqu'à 100 euros. C'est un petit tuyau au cas où s'il y en a, ils veulent le faire. Voilà, tu c'est peux parier jusqu'à 100 euros. Ouais. Ah, et valeur, le mec, il me clin d'œil, il me fait. C'est un petit truc, c'est lui qui veut le faire. Je donne le dos. Et tu peux récupérer l'argent, parce que d'habitude, en fait, les 100 euros, tu dois, t'es obligé de les reparier. Oh, comment c'est chiant quand il raconte un truc. Non, mais c'est vrai, là, c'est dingue, non, tu peux les récupérer sur ton perdu sur ton pari, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais. T'as perdu un pari et t'es hyper content de le raconter. Ouais, mais j'aurais pu gagner 1300 euros, quand même. Tout le monde aurait pu gagner un jour. On dirait le mec, il me raconte l'auto. J'aurais pu gagner 70 millions. Ça fait 50 ans que je joue, j'ai jamais gagné un euro. Mais j'aurais pu gagner 70 millions d'euros. Tous les jours. La dernière fois, j'ai eu 4 numéros au loto, à l'euro million. À deux mais c'est de plus en plus intéressant. Mais vous trouvez pas que c'est dingue là, ah ouais, mais attends, il y a une espèce de suspense qui flotte. Ah ouais. Je flotte dans les airs quand tu racontes des histoires. J'ai mis ça. Ah, c'est ouf. Non, mais alors vraiment, alors, pour l'instant, il a eu 4 numéros au loto. Vous avez bien entendu, 4 numéros au loto. Sur 6. Ouais. Il a perdu un pari sportif. Quelle est la prochaine histoire de JM du Standard? Oula. Et il va nous raconter bientôt qu'il a marché dans la merde, messieurs, dames. Non. T'as eu encore un truc, non? Ouais, j'ai un petit truc. Vas-y, vas-y. Au loto du foot, à la rifle du foot, j'ai gagné une lampe. Oh là là. C'est vrai, en plus. Ah. Non, mais c'est vrai, j'avais fait la kin et tout. Et... Vous savez, il y a des fois, on m'a dit, ne fais pas parler des standardistes. Et je sais pourquoi vous dites ça, faut laisser la chance à tout le monde. Et il y a des fois, je comprends les mecs qui sont pas sympas, finalement. Salut Guillaume, j'ai fait gagner 1 million, j'ai failli gagner 1 million d'euros, j'étais à 7 chiffres, faux sur 8. Ah oui, c'est quoi? Okay, salut à toi. Là. C'est exactement ça, JM du standard. C'est j'ai failli gagner au loto, j'ai eu un chiffre bon sur 12. Non, 4, c'est pas mal. 4 c'est beaucoup. 4, c'est pas mal. Sur combien? Sur 6. Sur 6 ouais. Plus j'ai le plus chiffre complémentaire. 130 euros, je crois. Ouais. Ah, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Ah oui, putain. Ah, oui. 130 euros. Ça fait combien de temps que tu joues au loto? Ouais, ça fait longtemps, mais je joue pas tout le temps. Ouais. Ça va faire, ouais, peut-être 5 ans. D'accord, ouais. Merci beaucoup. Alors, Marie, qui a gagné la voiture. La voiture, tu l'as gardée ou tu l'as vendue, Marie? Non, non, je l'ai gardée, je l'ai toujours. Ouais. C'est normal. Quand j'ai 18 ans, quand j'ai eu mon permis, j'ai pu la conduire, donc là, je l'ai toujours. Voiture à 9000 euros, c'est ça, on t'avait dit? Oui, ouais, c'est ça. Putain, c'est quand même une belle somme. On m'a dit celle, hein. Putain, ouais. Pour une urne, un truc dans la fente, et c'est 9000 boules, quoi. Eh oui, c'est moi, ça. Je gagne jamais, ouais. Ouais. Déjà, t'as jamais eu. Ouais, j'ai gagné des 9000 boules pour un truc dans la fente. Ouais, voilà. Non, mais... c'est malsain, là. Non, mais ça aurait pu arriver. Ouais, t'as jamais gagné. Si, ouais. Si. 5000 francs et du jambon. Ah ouais, j'ai gagné un gros jambon chez le boucher avec mon père et c'est tout. Ah ouais. D'accord. On a peu de chance. C'était où? Où c'est que tu vas chez le boucher où il y a des. Non, mais il y avait des lotos, un jeu toi. Pour les vacances il y a longtemps avec mon père, on avait mis un truc dans l'urne et on a été tiré au sort justement. Pour, ah, c'est super. Un gros jambon. De mieux en mieux. Après, ouais, bah, j'ai mis du standard, qui a 4 chiffres. J'ai gagné l'argent aussi. C'est-à-dire qu'il a gagné un jambon. Mais un gros truc, hein. Messieurs, dames, je ne sais pas où nous allons, mais on y va. Julia, toi, t'as eu pareil, ça t'est déjà arrivé de gagner un beau truc? Moi, j'ai jamais rien gagné, mais j'ai fait semblant de gagner. Et c'était dans une tombola. Ouais. La cerise sur le... Il est bon public, il y a plein des cadeaux, j'adore. Mais c'est ouf. Ils se rendent toutes les boules du loto. Elles non, ils sont très forts. Vas-y. Ouais, non, c'était dans une tombola. Et donc, le numéro sort. C'était pas mon numéro, évidemment. Et je vois que personne se lève. Et donc, je me suis levée. J'ai dit, ah, c'est moi. Et donc, j'ai gagné le gain du numéro. Merci, Julia. Non, mais c'est pas possible. Il y a un mec qui vient voir ton carton. Et il vérifie tout. Non, c'était un loto organisé dans un hôtel, un truc un peu bidon, quoi. Mais je me suis levée, ils ont pas vérifié. T'as gagné quoi? C'est moi qui ai gagné. J'ai bien joué le truc. Et t'as gagné quoi? C'était des bons d'achat dans des magasins d'électroménager. Ah oui, donc c'est de la merde. Ouais, mais bon, c'était bien. C'est quoi tes lotos tout pourris? 100 euros chez Darty, c'est bien. J'ai gagné ça. Non, c'est un bon de réduction, c'est pas un bon d'achat. Ah oui, enfin. C'est pas la même chose. Un bon de réduction, c'est une réduction. Un bon d'achat, c'est tu payes pas, quoi. T'achètes 1000 euros et t'offres. Ouais, non, une fois j'avais un chèque cadeau, quoi. Ah ouais. Salut Guillaume, sur la radio, j'ai gagné 2 places pour aller voir The Voice. En vrai, c'était de la merde. Salut à toi. Ah merde. Ah, merde. J'ai failli participer à une tombola pour gagner un voyage. Le seul gros cadeau que j'ai gagné, c'est chez toi une tablette Samsung. Salut Caro du 79. Salut Caro. Ah bah, c'est bien ça. J'ai gagné 3250 euros l'autofoot à 7 Ligue 2. J'ai eu 7 sur 7 bons résultats. Salut Martin du 91. Ah, t'as bien joué là. Parce on se raconte les trucs. Je comprends pourquoi Flo des cadeaux est mort de rire. Ah là là, mais. Ah, mais on attend son histoire lui aussi. Ah, quand j'ai du standard, faut le mettre au bout de table en soirée. J'ai mis le standard, c'est vraiment le tonton bourré. J'y suis. Ah ouais, je précise. Moi j'ai déjà gagné un gros truc, ma femme, salut Roméo. Manu m'a doublé mon salaire, salut Thomas. Ah bien, c'est énorme. Ça. Ah ouais. Ah, c'est fort ça. C'est énorme ça. J'ai un stagiaire, c'est pris un jambon dans le rond, salut. Non, ouais. J'ai un stagiaire dédicace à Amélie que j'aime, bonsoir, mon Dylan du 59. Allez, on se fait le juste prix dans 30 secondes, mais d'abord Flo des cadeaux. Raconte ton histoire, est-ce que t'as déjà gagné un gros gain? Moi j'avais gagné un portable à l'époque, j'avais 12 ans, et à l'époque gagner un portable c'était ouf. Sauf que le problème c'est toujours c'est que... ouf, hein. Ouais. Bah ouais. Ouais. Mais le problème c'est qu'en fait j'étais le seul de mes potes à avoir un portable, donc en fait je l'ai jamais utilisé. Ah ouais, parce que j'avais ouais. Personne à appeler, quoi. C'est vrai, bah tes parents donc ah tu bah pouvais oui. pas ah oui. Bah ouais, mais tu sais à l'époque je rentrais chez moi, il y avait le fixe, donc il y avait pas besoin de portable en fait. Ah ouais. Mais ah j'avais un portable. Ouais. C'était une histoire qui pouvait devenir intéressante. Ouais, on est dans la lignée, c'est bien. On a été voilà. J'ai une équipe vraiment qui. Ah ouais. Mais en plus moi je dis ça, mais en vrai j'ai rien à raconter non plus. Ah ouais. Parce que non mais j'ai pas de souvenir d'avoir. Un gros gain. Ah, putain, je un voyage. Auto, moi. Ouais. J'ai gagné 500 francs, 75 euros au Morpion, c'est ribou. Enfin, c'est bien, ça m'a fait ma joie et tout ça, mais c'est pas une voiture, à quoi. Côté de vous qui avez gagné des voitures, je suis pourri, quoi. J'ai gagné une maison, genre. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais rien gagné. Au moi. Casino Au casino non plus, ouais. Au poker? Non, au poker non plus, ouais. Non, à la fête foraine? Tu joues pas beaucoup, peut-être? Bah, je joue pas beaucoup, ouais. Ouais, c'est pour ça, alors. C'est vrai, mais j'ai déjà joué Everest Poker et tout ça, là. Ah, oui, ouais, sur Internet. Et je mettais 10-15 ouais, euros, mais bon, je. Tu peux pas gagner. Si. J'ai joué 2-3 fois, je me suis fait complètement. Non, je crois que tu peux pas gagner. Si tu voterais un PC. Tu crois, JM du standard? Je crois qu'il faut jouer à plusieurs. Voilà, c'est ça. Il faut s'appeler, dire on est sur telle table et on plume le pigeon. On a ça. Ouais. Là, voilà. En équipe. Non, mais exactement. Tu diras à ta collègue, c'est une mytho avec son loto, impossible. Salut à toi, là. Ah, c'était dans quel hôtel? Alors, on va enquêter. Vous avez raison. On va appeler l'hôtel. Julia, qui est notre nouvelle en plus dans l'équipe. Je me demande si c'est pas une mytho, ça. Alors, je vous assure, je vais même vous dire. C'était où? J'ai eu la chance de faire le nouvel an en Thaïlande. Et j'étais dans un hôtel, bon, voilà, avec mes parents. Tranquille. Ça n'existe pas les lotos en Thaïlande. C'était une tombola, avec des numéros, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc. Ah, c'était plus un loto déjà. Ah ouais. Ah. Ça a changé. J'ai dit tombola. Vous avez remarqué, vous avez raison. Qui m'a envoyé le message. Ah ouais. Qui nous dit ta collègue, c'est une grosse mytho. J'ai dit tombola tout à l'heure. C'est impossible. Alors vas-y, donc raconte. Et donc, bon, c'était un truc pour aussi faire plaisir aux gens qui étaient dans l'hôtel. Donc, à mon avis, voilà, ils ne vérifiaient pas vraiment les numéros. Il n'y avait pas un huissier. Mais t'avais quoi? T'avais un carton avec des numéros? On avait tous un numéro. Donc ouais. C'était l'étape du Nouvel An, on avait tous un numéro et ils appelaient donc des numéros qui défilaient. Il y a personne qui s'est levé avec ton numéro. Personne ne s'est levé avec le numéro. J'aime le standard. Je savais pas qu'il y avait des Darty en Thaïlande. Je garde la foi, je suis le standard. Non, il a pas dit Darty. Non, il a dit des bons d'achat. Bah, magasin d'électroménager. Oui. Il y avait des énormes malls en Thaïlande, des malls de ouf. Non, c'est vrai. Voilà. Mais vraiment, c'est vrai. Mais après, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait exprès ou quoi, mais vraiment, j'avais pas mon numéro. Ouais, c'est vrai. Il y en a un qui dit c'est Guillaume, tu m'as offert des patinettes sur Skyrock quand t'étais sur Skyrock à Perpignan. Oh, c'est énorme. Ah, des patinettes. Ah, ouais. J'ai offert des skis. Ouais. Voilà, parce qu'il y avait une station de ski vers Perpignan. Et les Pyrénées. Il y en a plein, Font-Romeu, tout ça, les Angles. Et effectivement, il y avait des trucs et c'était les magasins Intersport, je crois, qui avaient filé des patinettes. J'avais négocié ça tout seul et puis j'avais fait. Exactement. Putain, c'est énorme ça. C'est drôle. Salut Guillaume, j'ai gagné un Bivi. C'est quoi un Bivi? C'est les vélos, je crois, non? Ouais, valeur 400 euros, un enduro à carte. Salut à toi. Putain, c'est vachement bien. Tu vois, j'ai raison avec Solo. C'était une mytho. J'avoue que depuis que je t'écoute le premier soir, ça mérite bien aussi. Ah, alors salut à tous les loustiques aussi, Warren et Chou. Bon week-end à vous. Salut Sonia du 35. Alors, je vais vous filer plein de trucs sur la compte. J'ai gagné 10 000 euros au casino d'Amnéville. Ah ouais. Énorme. À quoi? Salut Mi-Oub. À la machine. Et salut à toi Mi-Oub. T'as laissé ton numéro, on va t'appeler Mi-Oub. Ça serait bien de savoir s'il y a vraiment des mecs. Est-ce qu'il y a vraiment des mecs? J'ai l'impression qu'on se fait tous enculer par les casinos. Est-ce qu'il y a vraiment des mecs qui gagnent des jackpots des machines? Machine à sous, ouais. Est-ce que c'est un mec? Il y a des jackpots, il y a marqué 400 000 euros. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui ont gagné un jackpot? Guillaume, et votre message au 612, venez nous dire si vous connaissez des gens qui ont gagné des trucs de fou et tout. On en parle en fait clash de la semaine sur Energy. Tous les hits. C'est Energy. Only. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all-inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger, à vous d'imaginer votre box all-inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000 euros, une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016, règlement sur le site. All-inclusive égale tout compris. Un pour tous. Non mais j'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Avec Énergie, it's music only. Amour, travail, santé, tu te poses des questions? Destin au 7-20-12. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-20-12. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-20-12. Destin au 7-20-12. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Allez, de retour à l'antenne sur Energy. Bonne soirée, il est 22h54. Nous sommes là chaque soir, là, de 22h à minuit, du lundi au vendredi. Je travaille dans un casino, je peux vous expliquer. Allez, vas-y, laisse ton numéro. Ouais. On parlait des gens qui ont gagné des gros gains. Est-ce que t'as déjà gagné genre une voiture comme Marie hein? T'as quel âge, Marie? Toi, t'as 20 ans? 20 ans, ouais. C'est ça. Et t'as gagné une Citroën C1 au tirage au sort dans un hippodrome, c'est un truc de fou. Ouais, t'as de la chance, hein. Est-ce que vous avez déjà gagné pareil, hein, comme toi? Moi, j'ai gagné 85 000 euros dans une machine au casino. Ouais, ouais, si, ça marche. Mais hein. C'est énorme, les gars. Ouais, 85 000, ouais. Non, mais qui gagne? Non, mais c'est refait, là. Attends, tu travailles 10 ans. Tu vis 10 ans, quoi. Salut, la Dream Team. Le jackpot, je le gagne tous les soirs en vous écoutant de 22h à minuit. Bonne soirée. Merci à toi, la Team Merceval Gosse 18, là. Salut. Tu vois, c'est une tombola maintenant, ça change tout. Je suis routier, je t'écoute tous les soirs. C'est cool, ça coupe une partie de ma route. Je suis en coupure pour le moment. Si j'avais une console, je pourrais jouer dans le camion. Salut, man. Salut. Eh ben, on va les filer, les consoles. Juste après, on vous fait gagner des Xbox One, là, justement. Ma tante a gagné une Citroën C1 rouge à une Kin, pareil, je crois, à Bordeaux, donc c'est un loto. Ouais. C'est ouf. Après, t'as moi qui gagne une boîte de pâtes LSM. Salut. Moi, je connais une personne qui a gagné 5 millions de francs à l'époque aussi. Ma mère a gagné 4 millions d'euros au PMU. 4 millions. Bah il y a des gens hein, qui gagnent. Hein. C'est le principe du jeu. Hein. Ouais. Bah alors là. Non mais ça fait quoi en fait quand tu gagnes 4 millions tu as une autre vie en fait. Bah oui. Tu t'achètes un truc. Travailler. Ah bah là. Non, mais 4 millions c'est 10 fois ce que tu peux gagner dans une vie normale. Ouais. Ah d'économise même. Bah c'est ouais ça change tout. J'aimerais bien gagner une paire de chaussettes ou un string de Julia. Merci à toi. Il y en a un qui est chaud sur Julia ce soir. On va gagner, on va vous filer ça, j'habite. Et puis en plus, quand elle fait un rire comme ça, là, vous êtes sûr de. Okay, on dirait qu'on a dans l'équipe, comment elle s'appelle ? Evangélie. Je voulais pas le dire. Ah, quand elle fait un rire comme ça, c'est vrai, ouais. Il y a un air, Il y a un air d'Evangélie. Physiquement en plus. Physiquement. Ouais, mais... brune, elle est belle, Evangélie. J'habite sur Saint-Malo, il y a un casino. Une personne est venue pour sa première fois de sa vie dans le casino. Il a gagné un peu plus de 4 millions d'euros en jouant seulement 50 centimes, quoi. Au casino de Saint-Malo. Non, mais ça, c'est un truc de fou, là. Imagine, tu vas il a gagné un peu plus de 4 millions d'euros en jouant seulement 50 centimes. Salut mec. C'est passé dans le journal et tout, ça c'est énorme. Première fois qu'il est rentré de sa vie dans un casino, il met 50 centimes, il gagne 4 millions. La chance. Ça arrive. Au retour d'un voyage en Angleterre, j'ai gagné 9 livres dans un bon dimanche chaud sans rien dépenser. Le mec devant moi avait juste oublié sa mise, d'accord, ok. Comment ça va se passer le vendredi pour l'émission sur Énergie ? Salut à toi frérot. Bah comme là hein, du coup. Ouais. En direct, hein, 22h56 et puis 22h minuit du lundi au vendredi. Hein. L'autre jour, j'avais pas de monnaie pour un SDF devant le tabac, je lui ai dit d'attendre, j'ai claqué un billet de 20 euros en achetant un ticket de grattage, j'ai gagné 500 euros et j'ai donné 20 euros. Ah bah c'est bien, belle histoire. Bravo. C'est rigolo ça. J'ai un ami qui a gagné 250 000 euros au jeu à gratter, le mot croisé. Mon croisé. Celui qui coûte 5 euros, ouais. Il a gagné 200, non, mais même 250 000 euros, c'est rare. J'ai une baraque. Ah bah oui. Ouais. Non, c'est énorme. Ouais, tu peux là, ouais. Moi, mon, bah, bien sûr, t'as une maison. Ouais. Ou un bel appart. Non. Ça dépend où, mais oui. À Paris, t'as un appart cool. Et après, pas très très grand non plus, parce qu'à Paris, c'est abusé, les prix, ils se foutent de la gueule du monde. Un petit deux pièces stable. Mais bien sûr. Mais après, tu vas en province normale, voilà, d'où je viens, bah, tu peux avoir. Attends, t'as des baraques énormes. Là, t'as le jardin. Même le chien, tu peux l'acheter avec. Ma collègue a hérité de 100 000 euros, ça n'a rien changé pour elle. Je pars en Angleterre. Après-demain, c'est super, mais je vais pas pouvoir vous écouter pendant 4 jours. Bah, c'est gentil pour les petites dédicaces. Ouais, merci. Ton émission cartonne et je kiffe l'équipe. Ah, bah, c'est sympa, les gars. Alors, on se raconte un peu nos histoires. On se fait Guetta. On avait dit qu'on l'écouterait. Le nouveau David Guetta, on l'a découvert ici dans l'émission avec Cédric Gervais, là. Would I Lie to You. Et on prend toutes les réactions, comme Marie qui a gagné une Citroën C1. Guillaume, et votre message, 612, venez nous raconter les gros gains que vous avez gagnés, là. Ah, je crois qu'il y a un mec qui a gagné 1 million d'euros, McDo, là. Avec la roue de la paix. Ah, j'ai l'impression. Oh, semaine, on se fait, c'est parti. Le clash de la semaine dans deux minutes. Et puis d'abord, il y avait toutes vos réactions par rapport à l'argent que vous avez gagné, ou si vous avez déjà gagné un énorme gain, j'en sais rien, comme au casino, comme au tirage au sort, etc. On va se le faire boosty aussi. Et on se fait plaisir toute la soirée là. Salut Guillaume, toujours le routier Steph. Tu sais comment on appelle le. Ah non, je peux pas le faire ça. Non, c'est. Non, elle est trop vieille blague ça. Non. Ah. Bonjour du Cantal, Ludo. Salut jeune agriculteur. Bonsoir Ludo, jeune agriculteur. Salut à tous les agriculteurs d'ailleurs. Ouais, bon courage à vous les mecs. Marie qui est là, il y a eu beaucoup de réactions aussi. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler par rapport à des gains. Il y a un énorme gain là. Sylvain, Mehdi qui a appelé. Putain, vous avez gagné beaucoup d'oseille hein, les mecs. Et puis Sylvain qui est là. Alors Sylvain, c'est autre chose. Mais c'est marrant comme quoi ça marche vraiment. Tu m'entends Sylvain de Chaude Egg? Oui. Oui, ça va ou quoi, tranquille? Salut mec. Ça va, tranquille. En direct, bienvenue frérot. Avant de se faire le clash de la semaine et de se faire le juste prix, on va chercher des cadeaux aussi dans deux minutes. On vous offre des Xbox One, des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Et on a plein de FIFA à vous offrir avec plaisir. Je vois Diane et tout là. Salut au 77 et à Nico le Tug. Salut. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé Sylvain? Qu'est-ce que t'as déjà gagné? J'ai gagné une Xbox 360 avec la Kinect. Ah ouais, t'as gagné ça où la Xbox 360? Au McDonald's. Au McDo, mais comment? Au jeu du Monopoly. Ah ouais, tu vois comme quoi ça marche. Les vignettes là. Mais comment ça se passe quand tu gagnes un truc? Mais faut remplir un formulaire. Enfin, c'est un peu le bordel parce qu'il faut aller sur internet. Ouais. Sur le site de McDonald's. Ouais. Et il faut remplir un formulaire. Après, il t'envoie un dossier. Il faut t'envoyer le dossier. Et, avec le formulaire, ouais. Avec ton papier, comme quoi t'as bien gagné. T'as bien eu les 4 gares, comme moi j'avais eu 4 gares. Ouais. Et après, au bout d'un moment, il t'a envoyé la Xbox. Ça, c'est marrant, quoi. Ouais. Ça a mis longtemps à arriver, genre, quand tu gagnes un truc? Un petit peu, oui. Au début, j'y croyais plus parce que bon, c'est. Il mettait au bout d'une semaine, deux semaines, quoi, 15 jours, quoi. Ouais. Maximum. Et moi, je l'ai reçu au bout de 3 semaines. Ah ouais, d'accord. Ça va encore. Ouais. Bon, le principal, au début, c'est de l'avoir. Mort, je l'aurais pas. Et finalement, un jour, j'ai reçu un colis et je savais ce que c'était, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, s'il y en a qui ont la comment ça s'appelle, la peluche de Jeff Panaclock là. Ouais. S'il y en a qui ont le Jean-Marc de Jeff Panaclock et que vous voulez vous filmer vous-même, il faut qu'on voit votre tête hein, et faire une petite vidéo face caméra. Je diffuserai lundi, il y aura Jeff avec nous dans TPMP. Je vous diffuserai une petite compile et tout des meilleures dédicaces. Donc si vous voulez faire un truc avec si vous avez la marionnette de Jeff Panaclock, ouais, c'est marrant. Vous me l'envoyez par email hein, guillaume@energie.com et avec plaisir hein, les mecs, si vous voulez passer, on est là. Je m'en vais en Normandie, ça fait 6 heures que je suis en voiture. Heureusement vous êtes là aussi les mecs. Salut man. Salut. Vous êtes les meilleurs les gars. Salut à toi. Big up à toi et Julia. Salut, gros bisous. Bon, on l'embrasse aussi, dédicace à tous les betteraviers d'Arcy-sur-Aube qui roulent cette nuit. Jeff le cuisinier, est-ce que tu sais ce qui est un relou, c'est le renard qui a enculé le loup. Merci beaucoup. Salut, c'est Eric Mu. J'ai gagné 500 euros en devinant 3 chansons sur 3. Ramazzotti, Buarque qui est Anita. Non mais c'est une vanne. Ouais, c'est un faux. Il y a un mec qui se fait passer pour un animateur de Chéri FM avec toujours des vieux titres. C'est une connerie, ouais, dans le standard. Laisse ton numéro alors à chaque fois. Laisse ton numéro. Ouais. Non mais attends, tape Eric Mu, M-U. Non mais c'est pas possible, non. Attends, parce qu'à chaque fois on dirait un sketch. Chéri FM, c'est ça? Ah ouais, Eric Mu, Chéri FM. Une nostalgie. Chéri FM. Attends, parce que nous on a le listing normalement dans les gens. Ah ouais, dans les. Ouais. Il y a un chanteur. Il y a un chanteur, Eric Mu. Moon, il s'appelle Moon. Non, non, Eric Mu. Coréen. Mais... peut-être que Mu, c'est le début de son de famille, tu sais. Ouais, je sais pas. Attends, Chéri FM. Non, non, il y a rien, mon con. Ouais. Je crois qu'en fait, tu te fous de notre gueule depuis le début, toi. Parce que je vous dis, parfois il y a des messages comme ça, c'est trop bizarre. Attends, Eric Mu, Chéri FM. Même dans le listing, il y a rien. Et Claude Eric Roy, non mais direct en tête, non c'est même pas ça, non, il n'y a pas de Eric Mu frérot. Le routier, toujours moi, j'ai jamais rien gagné, prouve-moi que c'est possible de gagner avec une console. Salut Steph. Là. Salut. Eh ben, on va enfiler dans deux minutes, vous savez quoi, on prend toutes les réactions. Il y a David qui est là aussi du 59. Salut David. Salut. Ça va ou quoi? Ça va, salut mec. Vous allez bien? Ça va mon con, enchanté hein. T'appelles d'où toi? Ouais, vrai. De vrai, dans le 59, enfin ouais. Dans le Nord, hein, c'est ça? Ouais, 59. Qu'est-ce qui t'arrive alors? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, j'ai gagné 85 000 euros au casino. Non, bravo, mec. Non, c'est vrai? Ouais, en fait, c'est ma femme qui était un con, enfin, mon ex-femme. Elle était un con au casino, j'étais la rechercher, elle gagnait rien. Il lui restait les trois pièces. Je les ai mises dans la machine et j'ai gagné le jackpot. Non, c'est vrai? Ah, t'es fort. Ouais, ouais, c'est trop bien. Et ça fait quoi du coup? T'as le patron du casino qui est venu, tout ça? Ouais, le patron qui descend, il y a les lumières qui s'allument partout dans le casino. Putain, c'est ouf. Ah, ouais. T'as champagne aussi. Ouais. Et tu t'es retrouvé, c'est énorme ça. Ah, il faut une fête. Ah, ça, c'est vraiment énorme. Ouais. Et du coup, David, tu t'es retrouvé et te les as filées. Enfin, t'as gardé ou t'as demandé les pièces, ton ex-femme, puisque c'est ses pièces? Merde. Ah, bah, j'ai dû faire moitié-moitié avec elle quand même. Ah, c'est vrai. Ah, et t'as dit, tu me donnes la moitié quoi. Ouais, ouais. Bon, on était en couple aussi, tu vois, donc bon, c'était pas trop grave. Par ouais. maintenant, je regrette. Ouais, t'es plus avec elle, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et t'es même pas imposé dessus quand tu gagnes 85 000 euros, t'as pas d'impôt. Bah non, non. Non, imposable. Putain, c'est énorme, ça, c'est trop bien. Mehdi qui a gagné aussi, tu m'entends, Mehdi? Ouais, je t'entends. Ça va ou quoi? Ça va, frérot? Salut, ouais, tranquille. Salut. C'est qui, papa? Lucas, 15 ans aussi. Putain, c'est énorme. Et toi, Mehdi, qu'est-ce que t'as gagné alors? Alors, moi, écoute, je suis parti au casino d'après 10 mois à Amnéville, là. Et tous les 7 du mois, il y a une loterie, tu vois. Tu tournes une roue, bim, bim, bim, il passe un jeton. Et comme par hasard, ça tombe sur moi. 10 000 euros. C'est vrai? Oh putain. Ah. Comme ça, quoi. Attends, c'est abusé, gratos. Mais ça bouge. Tu traînes en quoi, toi, Mehdi? Ah, moi je suis routier, moi. T'es routier, non mais comment ça doit vous changer de la vie, les gars? 10 000 euros. Confortable, hein. Attends, c'est énorme. Il y a Benjamin. Hey, tu m'entends, Benjamin? Ouais, je t'entends, ouais. Ça va ou quoi, Namur, en Belgique, là? Salut, mec. Salut. Ça va? Hey, ouais, ouais. Travaille dans quoi, toi, Benjamin, Namur? Moi, je travaille pas à Namur, je travaille à Bruxelles, dans la Stib, et je suis technicien dans le métro. D'accord. Et c'est ton père qui a gagné quelque chose? Ouais. Il a gagné quoi? Malheureusement pour lui, un cochon. Il y a un cochon vivant? Ouais, il a joué au bingo dans le village et il était marqué grand prix, cochon de lait. Il s'est dit, ah tiens, on va pouvoir avoir un cochon de lait et tout. Et il joue, on gagne, et le mec il arrive avec une caisse avec de la paille qui ressort et il y a un vrai cochon dedans. Mais qu'est-ce que t'en fais du coup quand tu fais ça? Tu le revends? Ben, on a essayé de s'en débarrasser, pour finir on n'y arrivait pas. Et vu que c'était un cochon de lait qui allait rester nain, on a dû construire un enclos et tout, et on l'a gardé dans le jardin, on lui donnait nos vieux trucs qu'on mangeait plus. C'est vrai? Ah ouais, et tu l'as gardé longtemps? Ouais, on l'a gardé 2 ans et demi. Après, il y a quelqu'un qui l'a repris parce qu'il s'occupait de plusieurs cochons, et il a bien voulu le prendre pour s'en occuper, parce que nous, commençait un peu à avoir dur, ouais. Il commençait à grandir un petit peu, et là... Ouais, parce que ça grossit beaucoup, hein, un cochon. Bah, ça ouais, bah, pour un cochon nain, il était quand même gros maintenant. Parce bah, c'est que... ça le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient aussi gros qu'un poney. Hein. Non. Ah, non, mais attends, en vrai, t'as des cochons qui font 300 kilos, je pense. Non. T'as des grosses truies, gros. Une bonne grosse truie. Attends, ça fait combien une bonne grosse truie, j'aime le standard? Ah, je sais pas, attends, ça dépend. Poids, cochon. Poids porc. Ça fait combien une. Attends, poids max d'une truie. 400 kilos, 500 kilos pour les femmes. Il y en a 350. Bien sûr, c'est la grosse truie. Hein. C'est pas beau quand même. Ah non, c'est pas très. Ouais, ouais. Ah, il y a la photo. Mais là, donc, ouais, ouais, tu vois, attends, tu te retrouves chez toi avec un animal qui fait 400 kilos, frérot. C'est un appartement, comment tu sais? Quand je disais que c'était pas loin d'un poney, il y a des poneys qui font pas 400 kilos. Un petit poney. Ah, il y a des petits poneys qui font pas 400 kilos. Hein. Mais un poney, c'est jamais très grand, hein, quoi qu'il arrive. Ouais. Il y a Lucas aussi qui est là, Lucas d'Uzès. Dans le 30, dans le Gard, ouais. Ça va ou quoi? Allô, l'équipe, ça va? C'est dans le Gard, dans le 30, ouais. Ça va ou quoi, Lucas? T'as 15 ans, toi, c'est ça, Lucas? Ouais, c'est ça. Ça fait trop plaisir de vous parler. Salut. Vous allez bien? Ah ouais, début de slage. Ah, c'est vrai? Oh, bon début de slage, ça. Bon, t'as une histoire d'animaux, là. Pareil, hein, c'est ça? Non, c'est pas exactement. Non, attends, c'est une histoire de gain, pardon. Ouais. C'est ça? Et fait quoi, ta daronne, dans la vie? Elle est patronne d'un magasin de fruits et légumes, ouais. Et elle avait une cliente, donc elle avait l'habitude de discuter avec elle tous les matins. Ouais. Et un jour, elle a gagné 6 millions d'euros, et donc c'était il y a 5-6 ans. Elle a gagné où ça? Elle a gagné, je pense que c'était au loto, je ne me rappelle vraiment plus exactement. Ouais. Et ça fait 5-6 ans qu'elle vient tous les matins demander des fruits pourris pour ses animaux, ou des fruits abîmés pour les avoir gratuitement. Pendant des années, elle a gardé sa vieille voiture, elle travaille toujours dans le petit cinéma de ma ville, alors qu'elle est maintenant... Alors que maintenant elle est millionnaire. Ouais, il y en a qui dépensent pas. Elle n'a pas voulu changer. C'est vrai. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Bah, tu peux pas, tu craques. Attends, elle achète toujours les fruits pourris, tu dis. C'est ça? Ouais, voilà. Même pas, elle est demandée gratuitement. Elle vient demander à ma mère. Ouais, voilà. Parce qu'elle a des caisses, ma mère, derrière, où elle garde les fruits pourris. Et elle vient, elle demande si elle peut les prendre. Pour ses animaux ou pour elle. Ah, pour les animaux, c'est normal, c'est mieux de les jeter. Enfin bon, après, elle a les moyens. De là à quémander quand t'as 6 millions, c'est un peu limite. Ouais. Ouais, voilà, après le fait de garder sa vieille voiture, c'est bien. Hein. Après, chacun fait sa vie, genre, rien à foutre. Mais 6 millions. Après, de là à dire c'est bien, non, c'est pas bien. Quand t'as la chance de pouvoir gagner au loto, bah, fais-toi plaisir, t'as qu'une vie. Grave. Bah imagine. Ah, c'est 6 millions. Bah ouais, si tu peux. C'est pas. En fait, au début, j'aurais pu dire. Il y a quelques années, j'aurais dit ouais, putain, c'est beau. Bah non, c'est pas beau, c'est pas. Tu gagnes de l'argent, bah c'est normal de se faire plaisir aussi. Ah bah oui. Non, mais c'est vrai, j'aime du standard. Bah oui, évidemment. Ouais. Tu gagnes 6 millions. Qu'est-ce que tu fais si tu gagnes 6 millions là? Qu'est-ce que tu t'achètes? Direct, ouais, je pense maison. Voiture et voyage. Ouais, direct. Et j'amène mes potes avec moi et mes parents. Ouais. Le mec il flambe tout en 2 jours. Ah. Non, et je place et j'achète des apparts aussi. Et la meuf elle a gagné 6 millions et donne un peu et fait des trucs et travaille toujours du coup. Ben ouais, c'est ce que je suis en train de. C'est ce que je viens de dire en fait. Elle est. Mais tu vas le répéter, c'est pas. Il est fou. Elle travaille toujours avec son mari dans le petit cinéma de ma ville et elle se lève tous les matins, elle s'habille comme avant, elle a vraiment pas changé. Tu la vois, tu te dis impossible, elle est millionnaire. Ouais, putain, c'est dingue. Et elle a pas de soucis parce que. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens très riches, ça ne se voit pas. Et souvent les gens auquel ça se voit où tu dis tiens il doit avoir le laser, en fait c'est pas du tout. C'est ça. Et il y a plein de mecs genre comme Luc Besson, tu peux les croiser dans la rue, ils vont avoir un petit pull un peu troué, enfin un peu normal quoi, tu vois, il va être habillé, c'est pas un bling bling. Et pourtant c'est le mec qui doit quand même avoir beaucoup d'argent. Hein. C'est lui, ils refont Taxi là du coup. Le 5. Avec Malik Bentala et Franck Gastambide. Ouais. 2018. Bon, ça va changer quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content juste à dire. Ah bah non, c'était la série pour moi. Eddie Funtal pour moi, le duo était bien, mais bon là, on verra. Qui va conduire le taxi du coup? Bah je pense que c'est. Non, je pense que c'est justement Gastambide. Et Bentala, ça sera le mec qui fait passer le permis, hein, je pense. Hein. Ah. En fait, c'est comme Freddy. Oui, le duo. Ouais, bon, on verra bien. Quand tu es content qu'il y ait une suite, Jim Sandard. Bah, je sais pas, déjà le 4, il était un peu abusé, je trouve. Je sais plus ce que c'était l'histoire, mais c'était un peu abusé. Après, ouais, franchement, ça fait du bien de voir de nouvelles têtes. Ouais, c'est Luc Besson qui. Oui, je crois que c'est lui aussi. Parce après, lui il peut faire aussi d'autres films pour avoir de nouvelles têtes. Ouais. Après, c'était un vrai gros film. Les deux, ça marchait bien. Comment pouvez-vous croire de telles choses fake? Salut Matt du 95. Si, bah, moi, je crois. Il y a des gens qui gagnent 6 millions. Attends, et vous êtes 1,5 million. Même plus. Il y a des mecs, bien sûr, attends. Mais j'aimerais savoir s'il y a un mec qui a vraiment gagné 100 millions. Oui, dans le monde, ouais. Non, mais en France, là, l'euro million et tout. Est-ce qu'il y a vraiment un mec qui a reçu un chèque de 100 millions d'euros? Et il va à la banque avec le chèque? Ah, c'est. Non, je pense que c'est un virement, tu fais un malaise. Jim, ça va. T'avais entendu, il y avait un couple d'anglais qui avait gagné une première fois et 3 ans après, ils avaient encore gagné. Genre, ils avaient gagné 50 millions. Ah, oui, j'ai vu. Ils ont gagné 2 fois d'affilée. C'est ouf. Allez, on se fait Boosty et le clash de la semaine carrément. On se le fait juste après Boosty Popcorn. Guillaume et votre texto aussi sont 12 si vous voulez passer avec nous. On va parler de sexe après. Est-ce que vous avez déjà gagné un gros truc, Guillaume, et votre message aussi 112? On en parle après le jeu là. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière, car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. Du lundi au vendredi, à partir de 22h, plus rien n'existe. À part Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, sur Énergie, on se calera tout à l'heure le nouveau Snake. On sera fera plaisir hein, sur Énergie. On va vous filer des cadeaux aussi, j'ai des Xbox One, tout ça. On va parler des plus gros gains que vous ayez eu. Est-ce que vous avez déjà réussi à gagner? J'en sais rien. Moi, il y en a un qui a appelé tout à l'heure, 85 000 euros au casino. Ah, juste déjà, ton plus gros gain, c'est quoi? 5 000 francs, quand j'avais 5 ans, 6 ans en plus. Putain, c'était au Banco. Au Banco, je l'ai gratté avec ma mère. Ouais, a, comme quoi, ouais. Vraiment, on pouvait vraiment gagner des oseilles au Banco, 5 000 francs. Ouais. Mon père a hérité d'un oncle qu'il ne connaissait pas, même pas l'existence d'un terrain pourri dans le Var. Ils l'ont vendu 350 000 euros. Quelques heures après, c'est énorme. Très bien. Bon, en tout cas, mon père a arrêté. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes les réactions. Merci d'être hyper nombreux et tout. Il y a un menteur dans l'équipe, car j'ai stagiaire à bien gagner quelque chose. C'est une top dans le cul. Non, mais non, ça va. Salut Maxence du 18. La mère, Maxence. Allez, vous bougez pas. On se fait le juste prix. Le premier qui va me trouver le chiffre juste après. Xbox One, tablette Samsung Galaxy Tab A dans 30 secondes. Ensemble, je t'ai mis. Matin, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la traduction. Ok, oh, bonne, c'est bien. Bah, bonne fête aux traducteurs et à Google Translate. Ouais. Merci, bon anniversaire. Et demain 1er octobre, il y aura deux journées mondiales. La journée mondiale de la musique classique et la journée mondiale des personnes âgées. Ok. Logique. C'est marrant la coïncidence, ouais. Non? Bah c'est QFD, hein. C'est... Bon, tu peux pas dire c'est pas fait exprès. Hein. Là, ça se voit un peu quand même. Rendez-vous lundi, 6h-9h30 sur Énergie. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Lorsque l'imprévu se produit, vous vous dites que si vous aviez été prévenu, vous auriez réagi différemment et mieux. Pour ne plus subir le destin, envoyez par SMS Avenir au 72. Avenir, AVENIR au 72. Nos équipes de spécialistes en astrologie, numérologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir au 72, vous n'êtes plus seul pour affronter les assauts du destin. Envoyez Avenir au 72. 65 centimes plus prix du SMS, INR. Énergie, It's Music Only, avec Amir en concert. Retrouvez Amir pour sa première tournée dans toute la France et le 17 novembre à la Cigale à Paris. Infos et réservations, énergie.fr, decibelprod.com et point de vente habituel. Amir en concert, un événement Énergie. En ce moment, Julie et Coé ont un peu le trac. Hey, normal, ils passent leur code. Et oui, le code de la route. Avec La Poste, pour 30 euros seulement, on peut passer son code. Alors faites comme eux, partout en France et près de chez vous, avec La Poste. Pour s'inscrire, c'est simple. Rendez-vous sur laposte.fr/lecode. Music only. I did not have any time to bow down and pray. lundi au vendredi, à partir de 22h. Plus rien n'existe, à part Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. On est d'accord qu'il est pourri ce jingle. Est-ce que j'ai l'impression que j'ai un plaisir tout de suite, Guillaume. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il est fini, et en fait, c'est juste une pause. Salut, dans le Var, je suis à Sainte-Maxime. Je croyais voir la standardiste cet été, mais elle n'est jamais venue. Salut à toi. Là. Ah. On vous écoute en voiture avec mon homme. Vous êtes bons, vous bossez tous les deux dans les casinos. Et pour info, l'État prend une taxe de 12% sur un gain égal ou supérieur à 1500 euros. Salut Coralie. Ouais. Direct, du 66. Ah, alors attends, je les connais tous les casinos dans le 66. Il y a le casino de Canet, le casino de Barcarès. Attends, t'es dans quel casino dites-moi le couple là. Je vous embrasse les gars en tout cas. Si Julia arrive à faire tourner mes boules, elle gagne une partie. Non, les gars. Non, c'est Julia maintenant, c'est rigolo. Julia, c'est un petit diamant. Ah bah et moi, on peut. Non, c'est notre petit diamant brut. Attends. C'est notre petit diamant dans du cellophane, on ne l'abîme pas. Oh, ouais. Merci. Il y a de l'injustice quand même. Allez, c'est la fille la plus propre qu'on ait eue. En plus, on la connaît pas non plus. En plus, je pense pas à ça. Ouais. La fille la plus propre. Non, on en a pas eu beaucoup après. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai c'était pas la meilleure blague, mais t'aurais pas une blague. Lucas, qui a 15 ans, et alors, t'avais ta mère hein, qui a un magasin de fruits et légumes et une de ses clientes a gagné 6 millions d'euros. On parlait des plus gros gains. Mais juste avant, on se fait clash de la semaine dans 30 secondes. Avant le clash de la semaine. On fait une pause 30 secondes. Je vous file une Xbox One maintenant. Je prends une feuille. Je marque un numéro dessus. C'est un vrai jeu en direct, les mecs. Là, c'est comme si on faisait un loto. Mais je vous mens pas. C'est comme si on faisait un loto sur une radio européenne. Sur une radio française, belge et suisse ce soir. C'est une radio nationale qui peut paraître énorme puisque c'est la plus grosse. Et pourtant, on fait un jeu tellement à l'ancienne. Et ouais. J'ai marqué sur une feuille un chiffre. JM du Standard, t'en es témoin. Je l'ai vu. Toute l'équipe l'a vu. Je viens de le montrer à tout le monde. C'est bon. Le principe est simple. Le premier qui m'envoie le numéro par SMS, il a gagné. Et j'ai dit plus ou moins. C'est quand même pas compliqué. Hein. Bonne chance. Vous envoyez Guillaume et le chiffre avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Guillaume et le chiffre avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Allez-y par SMS Guillaume et le message au 6 11 12. On va regarder. Attention, est-ce que c'est... Il y en a un qui dit 200. C'est moins que 200. Rien que ça. Ça veut dire que vous avez une chance sur 200 de gagner 500 balles. Je sais pas si. Non, mais. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, même si tu joues tous les chiffres là, le mec qui est assez rapide pour envoyer tous les chiffres, il va gagner 500 balles. Non, mais c'est, franchement, c'est-à-dire que c'est un jeu où même si tu mets une pièce sur chaque truc, bah, tu vas gagner quoi. Guillaume, un espace, juste le chiffre que je cherche. Vous mettez bien votre numéro, hein, les gars, que je puisse vous rappeler au 6, 11, 12. Vous n'avez pas le droit de mettre deux chiffres par. Deux numéros, deux chiffres par SMS. Il y en a qui dit 1 et 30, ça ne marchera pas, le logiciel ne va pas comprendre. Est-ce que c'est 100? C'est plus que 100. On est déjà entre 100 et 200. Et c'est bien quand même. Ouais. Une chance sur 100 de repartir avec ça, les mecs. Guillaume est la bonne réponse au 6, 11, 12. Est-ce que ça serait 124? C'est plus que 124. Qu'est-ce que c'est alors? Est-ce que ça serait 147? C'est plus que 147. Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro. Entre 147 et 200. Est-ce que ça serait 192? C'est moins que 192. Guillaume, le bon chiffre avec votre numéro au 612. On se fera Grinta. Dans deux minutes. La Grinta. Binta. On se fera Binta à l'ombre. On se le calme dans deux minutes là, Binta. Il est là, j'ai attrapé le CD là. Tu trouves pas qu'au début on dirait tin, les Rolling Stones un peu non tin, tin, tin. C'est quoi ça déjà? Pour moi c'est les Shania Twain. Ça fait un peu ça. Man, I feel like a woman. Entre 147 et 192. Guillaume donc est la bonne réponse au 6, 11, 12. Qui suis-je? Réfléchissez bien ce que ça peut être les mecs. Est-ce que c'est 158? C'est plus que 158. Entre 158 et 192. Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro. Vous marquez bien votre numéro de téléphone, surtout dans le texto. Il faut bien commencer le texto par Guillaume. Guillaume, un espace, le chiffre avec votre numéro au 6, 11, 12. Essayez, vous êtes en voiture, vous allez voir. Si vous tombez bien, ça tombe direct. Et ouais, on bosse à Calais d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Ah, Coralie de 66. Ah oui, sur la grande place de Canet, bien sûr, je connais bien. Je suis de Barcarès, salut les chéris, la Coralie. Est-ce que c'est 166? Salut, c'est plus que 166. Est-ce que c'est 171? C'est plus que 171. On cherche un chiffre entre 171 et 192. Les mecs, c'est maintenant qu'il faut jouer pour être bon. 185, c'est moins que 185. Oula. On cherche un chiffre entre 171 et 185. Est-ce que c'est 179? C'est plus que 179. On cherche donc un chiffre. Réfléchissez bien. entre 179 et 185. Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro. J'ai des Xbox One, j'ai des tablettes Samsung Galaxy Tab A, Flo des cadeaux, on est d'accord? Ouais, c'est ça. On a les deux à vous offrir direct, hein, donc l'un ou l'autre. Vous pouvez y aller par texto, les mecs, et puis on va voir un petit peu le meilleur. Hein, voilà, que le meilleur gagne ce soir. Ah oui. Bah, merci en tout cas pour les messages. On va voir, il faut juste trouver le bon chiffre entre 179 et 185 ce soir. C'est le dernier, à chaque fois, c'est la dernière ligne droite. On va voir un petit peu si on y arrive. Réfléchissez bien à ce que ça peut être. Hein. Salut Cric du 59 qui lisait 145. Eh ben c'est pas ça. Qui suis-je donc? Guillaume est la bonne réponse avec votre numéro de téléphone là, au 6 11 12. C'est pas 179, c'est pas 185, c'est entre les deux. Est-ce que c'est 182? C'est moins que 182. Une chance sur trois. Entre 179 et 182, Guillaume est le bon chiffre avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. Avant de se faire Snake avec Justin Bieber, on se cale dans 30 secondes. Il y en a un qui dit 180, c'est la bonne réponse. 180. Bravo, bien joué. Bonne réponse, 180. On va prendre le premier qui est arrivé avec le logiciel, le premier message qui est arrivé avec marqué 180 dedans. On va voir un petit peu. Le logiciel va nous sortir le premier numéro. Il est 23h27. Le but du jeu, ça va être de le trouver. Et c'est fait. Donc bravo à celui qui l'a trouvé. Restez bien à côté de votre portable, ça va sonner en numéro caché. Ah, faut décrocher. Et alors, pourquoi 180? Ah, ça veut dire quoi? Chaque jour, je prends un chiffre qui a un rapport avec l'actualité ou un rapport avec un truc. Ils viennent de dire que la Terre et prenez 180 000 tonnes par an de poids. Ah, elle grossit. Ça veut dire qu'on grossit. C'est énorme. Là, c'est dingue. De où 180 000 tonnes de plus. Et qu'est-ce que c'est, les 180 000 tonnes? C'est les météorites qui tombent. Mais on les voit pas tomber. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait? 180 000 tonnes en poids. Flo des cadeaux, c'est toi qui l'as trouvé, ce chiffre? Ouais, c'est ça. Et pourquoi 180 000 tonnes? Bah, en fait, ouais, c'est les météorites, mais la majorité de la Terre est recouverte d'eau, donc la plupart tombent dans l'eau. Mais après, je trouve qu'à l'échelle de la Terre, c'est pas énorme. Ah, moi, je trouve que c'est quand beaucoup. Même, c'est 180 000 tonnes, ah, si, t'es sûr que c'est ça? Oui, oui. Bah, après, je sais pas combien elle pèse, la tonne. Mais la terre. Mais je pense que c'est pas si énorme que ça. Ah, je trouve ça quand même énorme. Ouais. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est limite plus, la c'est France, quoi, 180 000 tonnes. En plus, on n'a jamais vu de vidéo de météorites qui tombent, non? Ah bah, ça s'appelle une étoile filante, il y en a pas. Des comètes, ouais, ouais. Mais on dirait que c'est pas lourd. Ah oui, de filmer vraiment. Parce qu'à chaque fois, quand ça tombe, c'est quand même pas gros, une météorite. Ça fait un caillou, quoi. Ça doit faire 50 grammes, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est quand même. Ouais, mais toi, t'y crois, Flo? Ouais, franchement, 180 000 tonnes. J'aime ça. Est-ce que t'as trouvé sur Google le chiffre? Je suis en train de faire. Et alors? Je trouve pas. Ah, mais tu as trouvé où, j'aime ça? Ah, le poids de la Terre est estimé à 6 trillions de tonnes. Ouais, merci beaucoup. Ouais, mais ça veut dire quoi? Où t'as trouvé l'info, toi? 180 000, c'est pas énorme. Ouais, t'as trouvé où l'info? L'info, je l'ai trouvé sur un site, j'ai plus le nom. Voilà, comme par hasard. Je l'ai retrouvé, c'est Planétoscope. Voilà, ouais, exactement. Non, alors, c'est un site avec plein de chiffres en direct. Merci beaucoup. Mais il n'y a que ce site qui le dit. On n'a pas de preuves, on verra. Ouais, c'est un illuminé, peut-être le mec, tu sais, genre, il fait genre, il sait des trucs et tout. Bon, on va prendre le logiciel et on va appeler maintenant un gagnant. Le premier qui a envoyé 180 à la seconde près, c'est parti, ça va sonner. Je garde la foi, je suis le chasseur de la foi. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va ou quoi mon con? C'est Guillaume d'Energie là. Salut mec. Ça va? Salut. Je te dérange pas? Salut. Oui. Ouais. Non, oui, ça va très bien. Ouais, c'est un fameux trois mains, cinq mains d'oiseau. Ça va, ton prénom c'est quoi? Amine. Amine, t'es d'où Amine? De Montpellier. Eh ben représente, Amine de Montpellier. Sois le bienvenu Amine, t'as quel âge Amine? 13. Eh ben vas-y hein, frérot, t'es content ou quoi de passer là? Ouais, c'est vrai, super. T'es en train de te dire est-ce que je suis vraiment en train de passer ou pas? Ouais. C'est bien toi. Hein. Ouais, t'as vu, il faut un petit décalage entre le moment où tu passes et tu te dis attends, c'est vraiment je suis en train de passer à la radio ou pas là. Bon, et qu'est-ce que tu préfères frérot? Tu préfères la Xbox One ou la tablette Samsung? Qu'est-ce qui t'arrange le plus là? La One. Tu veux la One? Vas-y, bah je t'envoie la One direct. Ok, je te l'envoie demain matin. Ok, je te repasse Flo des cadeaux et après ton adresse postale et comme ça on te fait le petit colis demain. D'accord. Ok, tu veux faire une dédiée Amine? Dédicace au collège Vincent Badji à Montarno. Vas-y, pas de problème, hein. Dédicace, hein. T'étais jamais passé à la radio? Ouais, c'est la première. C'était la première. Le dépucelage radiophonique. Enfin, eh ben vas-y, hein. En tout cas, ça fait plaisir. Hein. Depuis quand tu connais l'émission? Un an. Ah ouais, d'accord. Et tu connais bien l'équipe et tout ça? Enfin, tu vois qui est qui? Pas tout à fait. Ah, alors vas-y. Alors, qui est-ce que. Tu connais le nom de mon chien ou pas? Non. Attends. Attends, excuse-moi, je vais te le présenter. Attends, tu savais que j'avais un chien dans l'émission ou pas? Non. On en parle, ça vient la pépère. Ah, il bave partout là. Tu savais pas que j'avais un chien? Non. Ah, énorme, putain, c'est. Bah écoute, c'est sympa. Pourtant, il parle tout le temps. Il s'appelle Danny, c'est Danny le chien là. Je l'appelle Danny parce que j'adore Suzette. Voilà, en fait, du coup, j'ai gardé le nom de Danny Moyen, quoi, non. Et donc, tu connais un petit peu Alexandre le stagiaire ou pas, non? Ouais, est-ce que tu connais ou pas, non? Ouais, je crois. Ouais. Alexandre, le stagiaire, il y a Frédéric du Standard aussi. Ouais, Fred. Salut, ça va? C'est Fred du Standard. C'est moi, ouais. J'ai Céline au Standard aussi. Salut, salut à tous. Et Enrique des cadeaux. Salut, c'est Enrique des cadeaux. Ça te dit un truc ou pas, non? Oui, je crois. Il y a le blond, un métis et un qui met des lunettes. Ouais, c'est Enrique le métis. Ouais, c'est moi. Non, il n'y a pas de métis. Non, il n'y a pas de métis. Ah, c'est pas génial. Il y a JM du standard. C'est le plus métis. C'est l'arménouche. L'arménouche à lunettes. C'est JM du standard. Julien le stagiaire, Flo des cadeaux et Julia qui est là. Bon, en tout cas, Amine, c'est pour rigoler. Mais merci en tout cas de passer et tout. Je t'envoie demain matin le colis, ok? Ok, merci. Ok, bah de rien, mec. Hein. On se fait Alonso, bravo. Binta, et puis juste après Alonso, on se fait clash de la semaine. Tu veux faire une dédicace avant de partir ou pas? Oui, j'ai déjà fait. Ah bah, t'as pas envie d'en faire une autre? Ouais, c'est gratuit, vas-y. Bah, dédicace à tous qui me reconnaissent. Vas-y, y a pas de problème, dédicace à tout ce que là. Vas-y, dédicace à mon frérot. Hein. Je te repasse Julia, d'accord, pour l'adresse. Ok. Ok, bonne nuit, Amine. Salut. Merci. Hein. Salut. Et bon salut. Courage. Et clash de la semaine, il y a Jordan qui attend au standard, il veut énerver sa mère, apparemment. Ouais, c'est ça. Séverine, il veut lui faire croire qu'il a des problèmes avec des mecs dans un supermarché. On le fait juste après sur Energy. Pigeonné jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a collé la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. gardez le meilleur pour la fin. Pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour sur Énergie, la bonne soirée, Guillaume Radio 2.0. On est en direct ce soir avec Jouan un peu. Comment ça va les fans? Ça va bien. Ouais, bien. Alors, comment ça va les gonzesses? Vous êtes en forme? Ah ouais. Putain, ça me fait plaisir de rentrer dans ce bal masqué. Attention, qui veut gagner une bouteille de champagne? Alors, je voulais dire à toutes les femmes, toutes celles qui... Mais dis donc, excuse-moi, mais tu as quel âge, toi? Moi, j'ai 18 ans. Non, non, attends, est-ce que t'as ta carte? Parce que tu fais pas du tout 18 ans, excuse-moi. Mais... Ah oui, je l'ai dans le sac, mais là, au fond du sac, mais j'ai 18 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu prends pour un coup, quoi? Ah non, vous êtes très charmant, vous sentez bon. Mais toi, je suis sûr, t'as même pas 13 boules, t'es folle ou quoi? Mais non, j'ai 18 ans. T'as pris pour Jean-Luc ou quoi, là? Ah non, mais je le connais, oui, j'ai déjà rencontré. T'as pris pour qui, celui-là? Pour moi? Attends, t'es fou, quoi? Hein? J'allais me chercher ta carte, et comment elle s'appelle? C'est ta grande sœur? Oui, c'est ma grande sœur. Viens là, la grande sœur. Ouais, salut DJ. T'as quel âge? Moi j'ai 19 ans. Tu prends pour un con ou aussi là? Si, si, elle a vraiment 19 ans. T'es en quelle classe? Bah, moi je suis au CP. Hein. Mais tu prends vraiment pour un con ou quoi? Non, mais j'aime du standard. On va trop loin. Oh merde, c'est pour. Non, les extrêmes quoi. Tu le sens trop. T'as failli dire. C'est rien, moi. Ça... Oh là là. Au collège. Bon, Guillaume et votre message, les gars, si vous voulez venir délire avec nous, on va se faire le clash de la semaine. On se fera Shawn Mendes aussi, qui est prévu avant la fin de l'émission. Il me faut 8 mecs pour jouer ou il ne doit en rester qu'un. Oui. Flo les cadeaux. Ouais. Je veux jouer maintenant. Il ne restera qu'un. D'accord. Et on se fera le clash de la semaine après. J'ai des questions. Ah vous ouais. Envoyez Guillaume. Tu me mets maintenant. Maintenant. T'as une minute, même pas. Attends, je alors, allez-y. Hein. Guillaume, un espace, je. Avec votre numéro au 612, c'est pas compliqué les potos. J'en prends 8 maintenant. Voilà. J'en prends 8, je mets une petite musique de forain. Voilà. Il m'en faut 8. Guillaume, un espace et je avec votre numéro au 612 maintenant, les mecs. J'en prends 8. À chaque fois que vous avez une mauvaise réponse, ça va raccrocher. Dès que vous avez une bonne réponse, vous êtes qualifié pour le tour d'après. Il n'en restera qu'un. Ah, j'adore ce jeu. Et à chaque fois, il est génial. Ah ouais, franchement. On le fait le vendredi, on se fait le clash de la semaine qui arrive. Allez, vas-y. J'en veux 8. Guillaume, un espace et je avec votre numéro au 612. Putain, abuse, Guillaume, j'ai envoyé le bon numéro. Sans... Eh bah, je te jure qu'il est arrivé avant à quelques secondes, mais il est arrivé avant. Ouais. Allez, Guillaume du standard, tu peux aller l'aider. Ouais, pas tout Julia, tu peux l'aider. Ouais, bien sûr. Bah, aide-le alors, elle me dit. Celle-là aussi. Allez, on se fera steak après. Des cadeaux. Ouais. Je vais te laisser une minute chrono pour me mettre 8 personnes. Oh, putain, okay. Non, non, mais je plaisante pas. Non, non, mais je vais essayer. Non, ne rigole pas, Julia. Mais bon, je sais. Sors-toi les doigts du cul, on y va. Non. C'est parti. On y va, vous avez une minute chrono. Okay. Allez-y, hein, Guillaume, et vous envoyez je maintenant. C'est pas compliqué, ils ont pas le choix, les devs. Ils doivent mettre tout le monde d'un coup. Je veux pas de casting, hein, tu m'envoies le mot. Ah bah, tous ceux qui répondent. Voilà, vas-y. Alors, allez-y, Guillaume, je avec votre numéro. C'est quoi, c'est même moi qui les appelle, tiens. Le premier, tu m'as mis un numéro ou pas, là, Flo? Oui, oui. Je vais faire cette émission à l'ancienne ce soir, là. Il n'en restera qu'un. Salut, Jimmy de Dieppe. Salut, Jimmy. Salut, juste pour faire une dédicace à seconde GTD du lycée Marcel Callot, là. Salut à toi. Allô? Ouais, bonsoir. Ah, oh, Guillaume, d'accord. Ah, ça va bien, tranquille, c'est quoi ton salut. Prénom, toi? Oh, Tariq, ça fait un bail que je vous écoute, les gars. C'est gentil, c'est bon, mec. Ça. Merci. Merci, Tariq. T'es d'où, Tariq? Bordeaux. Ah, bah, trop bien. Où ça, Bordeaux? Ouais, je m'y attendais pas. Là, je suis. Comment t'expliquer? Blanquefort, tu connais? Bah, ouais, oui, t'es de Bordeaux, t'as l'origine. Moi, j'ai habité 7 ans à Bordeaux, ouais. Ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais Blanquefort, tranquille. Eh bah, salut. Oh là là. T'as quel âge, Tariq? 33. Tu fais quoi dans la vie? Je suis agent de sécu là. Ah bah, salut à tous les mecs de sécu là. Ouais, ah, merci. Tu voulais dire quoi? Ouais, je vais te dire, grâce à toi, j'ai kiffé The Walking Dead. J'ai fini la saison 6 là. Lourd, non, c'est vrai. Hein. Ah, les zombies. Ah, franchement, t'en as tellement parlé que putain, je m'y suis mis. J'ai téléchargé au taquet et je les ai matés dans la nuit. Non, mais mec, je te dis, j'ai jamais vu une série comme ça. Non, mais... Viking, t'as regardé Viking? Non, j'ai pas regardé. Il paraît que. C'est du lourd. Attends, c'est du lourd. Viking. Attends, merde, comment elle s'appelle la série Game of Thrones? Il paraît que c'est un truc de fou. Ouais, aussi, ouais, aussi. En plus, elle est hyper connue. Et je l'ai pas encore commencé, mais il paraît que toi tu l'as fait ou pas, Tariq? Ouais, ouais, j'ai fait The Walking Dead, Game of Thrones, Viking. Là, je suis sur Narco. Là, tu m'as donné envie de télécharger. Je vais regarder ce soir. Là. Il paraît qu'il y a un film qui est énorme qui s'appelle 13 Hours. 13 ah bah oui. Hours. C'est le film du centre que je l'ai conseillé. Il est dingue, ouais. C'est un truc qui se passe en fait en mode. C'est pas dans la guerre. C'est en Libye. En Libye, en fait, ouais. C'est l'ambassade et tout qui se fait attaquer. Les mecs, ils doivent tenir et tout pendant un certain nombre d'heures. Voilà, c'est un truc de fou. pendant 13 heures. C'est une histoire vraie, ouais. Ah, et ouais, ça, c'est chambé comme série, là. Bon, et on va jouer ensemble, Montaric, alors. Vas-y, vas-y, c'est quoi le jeu, là? Alors, c'est simple, hein. C'est, on le fait tous les vendredis maintenant, ça s'appelle Il n'en restera qu'un. Vous êtes 8. Ah, ouais, bien, ouais. Ouais, et à chaque fois, alors par contre, on se dit au revoir d'avance. Ouais, parce faut être que rapide, si la réponse est mauvaise, le logiciel coupe le standard, c'est énorme. C'est bon. Ah, ouais, ouais. Non, mais c'est, on, je rigole pas, c'est un vrai jeu qui est réglé comme ça et tout. C'est dégueulasse, je veux gratter, je suis pas avant. Attends, alors. On a tous les systèmes, tu vois. Là, on a le système de robot. Je veux dire, on a tout robotisé, le studio et tout, c'est énorme, on peut faire trop de trucs. Vous croyez que Flo des cadeaux, il en a mis zéro? Alors que moi, je prends un numéro mais au si, hasard. Mais je les appelle. Ah ouais. J'en ai mis un au hasard et j'en ai un super. Regarde ça, Montaric, c'est un joueur d'exception. J'y croyais pas, moi, j'y croyais pas. Moi, je peux mettre leur nom. Je peux vous dire, je vais miser sur Montaric là ce soir. Ah ouais, c'est ton poulain. Attends, c'est un truc de fou. Ils n'arrivent pas à m'en mettre un seul, quoi. Alors, hey, Guillaume, un espace jeu avec votre numéro, c'est pas compliqué. J'en prends 8 tout de suite. Voilà. Il y a Vanessa qui vient d'arriver. Ah, il a réussi à. Une nouvelle. Et 4 minutes pour mettre un peu de bruit. Ça va, Vanessa? Ça va bien. Ah ben enchanté, ma chérie. T'as 28 ans, t'appelles du 27. Dans l'heure. C'est ça. Eh ben enchanté, ouais, Vanessa. Ça. Vanessa, tu fais quoi dans la vie, Vanessa? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire de quoi? Je suis adjoint administratif. D'accord, ok. Vas-y, voilà, madame. Ah oui, madame. Donc, attends, madame, voilà. Il y a qui d'autre au standard? J'ai pas les prénoms, Flo des cadeaux. Attends, vas-y, dis bonjour si t'es au standard, là. Allô? Ouais. Ouais, c'est quoi ton prénom à toi? Julien. Ça va, Julien, ou quoi? Salut. Tranquille. Salut, mec. Putain, mais Flo des cadeaux, c'est un vraiment. Ça va, les gars? C'est un temps. Ça va. Ouais, ça va ou quoi, mon Julien? Julien, t'es d'où? Ouais, ouais, tranquille. Ouais, je suis de Reims, ouais. Sur Reims? Eh bah, ben, vas-y, enchanté, Julien, ouais. De Reims. Tu fais quoi dans la vie? T'as quel âge, Julien? J'ai 13 ans. Oui, je le sens bien, ce Julien. Ouais, aussi, ouais. L'outsider. Oh là là, mais là, non, là, je suis chaud, je suis chaud. Eh, ce soir, je les sens bien. Attends, y'a qui d'autre au standard? Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Ton prénom, c'est quoi? C'est Tiffaine. Eh ben, enchanté, Tiffaine. Salut. Et tu viens d'où, Tiffaine? T'as quel âge? J'ai 24 ans et je viens d'Amiens dans la Somme. Ouais, tu sens bon? Ça, c'est le message de. J'ai un stagiaire. C'est le genre de question. Heureusement qu'il n'est pas animateur, il poserait des questions. Bah oui, ça. Pour savoir. Hein. Mais sinon, oui, oui. Ah, ah, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie à Amiens? Je bosse pour un magazine sportif. C'est quoi? C'est Gazette Sport, ça s'appelle. C'est sur internet. D'accord, ok, énorme. Ah ouais. T'es un peu journaliste, voilà. Sportif, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. C'est rigolo. D'accord, exact. Vas-y, bah, c'est sympa en tout cas d'appeler. Hein. Bienvenue, Tiffaine. Il y a qui en ligne 6 là? Bonsoir à toi, il y a quelqu'un d'autre qui vient d'arriver au standard. Salut, moi. Ça va, c'est quoi ton prénom? Sur ton téléphone. Louis. Louis, enchanté, mon Louis. Salut, Louis. Louis de où? De Lyon. De Lyon, vas-y, bienvenue. À quel âge, Louis, à Lyon, là? 15 ans. Allez, j'en prends, hey, j'en prends 8. Je vous écoute. Vas-y, bah, trop. Merci. Sympa, mon frère. Merci beaucoup. Hein. Et t'es en quelle classe, Louis? Je suis en seconde là. D'accord. Louis en seconde. Vas-y, je note tout, comme ça j'ai tout le monde. Tu veux me claquer un dépucelage? Oh, un petit dépucelage. Je te casse le dépucelage. Allez, c'est parti. On emballe le dépucelage. Attends, alors, il me manque Simon de Reims. Tu m'entends, Simon? Ouais. Ça va, ouais, mon Simon? Salut, Simon. Il a 17, il a 17 boules, il est grand, il est beau. Il est rémois. Vas-y, enchanté. Allez, vous êtes deux à Reims là. Il y a Julien de Reims et Simon, ouais, de Reims. Ah, tu viens d'où à Reims, Julien? Courlancy. Ah, bah on n'est pas loin, je suis sur Murigny là. Ah, énorme, d'accord, ouais, okay. Dédicace. J'ai travaillé à Tinqueux, ma première radio locale, c'était à Tinqueux. Les Rémois. Collé à Reims. Salut, exactement, à PFM, ouais. Putain, tu connais bien toi, là, mon con, là. Comment, ah, tu, ouais, connais? Bah, je voudrais bosser avec vous plus tard, les gars. C'est vrai, bah, il faut venir. Ouais. On t'attend. Pour ton CV. Vas-y, hein, balance ton CV, comme dirait Tariq. Hein, pour ton CV. Hein. Ah, mais t'es couché sur la table et balance le CV. Exactement. Il est bon. Attends, il y a un dernier qui vient d'arriver. Faut qui s'appelle. Pour faut sucer, ah, le nez d'une stagiaire. Non, bah, ça va, le nez. Excuse-moi, un mec qui arrive et qui me suce le nez, je le prends à ma main. C'est marrant. T'aimerais te faire sucer le nez? Par une fille. Ah, ça doit pas être agréable. Non, une fille, ouais, c'est dans un délire, pourquoi pas. Attends, Enzo qui est là de Montigny-les-Metz dans le 57. Enchanté, Enzo. 15 ans, et salut. C'est le dernier. Ils sont là, tous ensemble. Je vais répéter, 1 Tariq, 2 Louis, 3 Simon, 4 Vanessa, 5 Julien, yep. De Reims. Il me manque la ligne 6, c'est qui en ligne 6? Allô? Oui, allô, oui, moi. Voilà, toi qui n'as pas encore dit bonjour, la ligne 6. C'est Tiffaine. Non, toi t'es la 7. Toi t'es la 7. Ah, je suis la 7, okay. Vas-y, ouais, c'est quoi ton prénom? Moi, Benjamin. Voilà, Benjamin. Salut, Benjamin, d'où Benjamin? Salut, mec. Montpellier. Allez, Montpellier. Très bien, les copains. On y va, c'est parti. Vous êtes maintenant assez nombreux, vous êtes 8. Je vais vous poser une question. À chaque fois que vous avez mauvais, ça raccrochera direct. Et okay. Si vous avez une bonne réponse, vous restez qualifié pour celle d'après. Attention. Okay. Bonne chance. Attends, non, mais franchement, la première salve, elles sont faciles, les questions. La deuxième, ça commence. Hein. Attention, c'est parti. C'est ce qu'on dit, hein. Première question, Tariq. Ouais. Quel personnage de Disney mange une pomme empoisonnée? La blanc oui. Oh, putain. Oui, c'est ça, c'est ça. Blanche-Neige. Voilà. Attention, on passe à la numéro 2. Louis, Louis en seconde. Louis, ouais. Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Armstrong. Comment? Armstrong. Oui, c'est une bonne réponse. Bravo. Allez, troisième, Simon, t'es prêt, Simon de Reims? Ouais, ouais, ouais. Quel pays a remporté l'Euro en 2016? C'est facile. En 2016? C'était cette année, hein. Qui nous a battus en finale? C'était le Portugal. Et bonne réponse. Ouais. Oh. Ah. Vanessa, non, mais c'est facile la première salve. Quel insecte produit du miel? Les abeilles. Ouais. Oui. Attention, Julien, Julien, quel ouais. fleuve traverse l'Égypte? L'Égypte, c'est le Caire. C'est non. Le Caire, c'est la capitale. Ouais, c'est ça. Malheureusement, mon Julien, je t'embrasse, mon Julien de Reims. Je le sentais bien, mon Juju. Ouais. Puis c'était le Nil. Ouais. C'était le Nil. Attention, ouais. Benjamin. Ouais. Benjamin, qu'est-ce qui peut être balsamique? Vinaigre. Bonne réponse. Bien joué. Attention, Tiffen, on enchaîne. Quel était le prénom de Van Gogh, le peintre? Ah, c'est hyper dur. Bonne réponse, oui, facile. Bravo. C'est pas Jésus. Si, si, je savais, mais. Enzo. Oui. Quel artiste a fondé les Restos du Cœur? Après, on passe à ça. Coluche. Ouais, bonne réponse. Bien joué. Attention, deuxième salle. Attention, ça va être plus dur. Hein. Ouais. Tariq. Ouais. Quand auront lieu les prochaines élections présidentielles en France, l'année? 2017. 2017, bonne réponse. Oui, oui. Attention, ensuite c'est à Louis. Louis, ouais. Que s'invente un hypochondriaque? Ah merde, je sais plus. C'était les maladies. Ah ouais, fallait dire un truc. Mais ça a raccroché, ils sont plus que 6. Attention, Simon. Oui. Qui était le dieu suprême de la mythologie grecque? Facile. Le dieu suprême. Le dieu le plus connu, en fait, hein, finalement. Zeus. Bonne réponse. Ah oui, Zeus. Vanessa. Comment oui. s'appelle la chancelière allemande? Attention, après ça va monter de niveau. Merkel. Bonne réponse. Wow. Que signifie TNT, Benjamin de Montpellier? Pour la télé, hein, je parle. Oui, oui. Télé nationale, je sais pas. Non, télévision numérique terrestre. Ouais. Montpellier, ça a raccroché, je suis désolé, ça ne s'arrête pas. Tiffen. Oui. Quel est le nom du train français le plus rapide? Le TGV. Bon, elle est facile. Hein. Ah oui. Enzo, attention, et puis après on passe vraiment à un truc difficile. Enzo, quel est le nouveau club de Zlatan Ibrahimovic? Alors, je sais pas. Ah, c'était pas le fait. Ils sont plus que 4. Ils ah ouais. sont plus que 4. Il y a Tariq, Simon, Vanessa et Tiffen. Tout le reste à raccrocher. Vous êtes plus que la moitié, les mecs. Attention, ça va être très très difficile. Tariq. Ouais. Stockholm est la capitale de quel pays? Stockholm. Oui. Oh là là là là. L'Allemagne. Non. Ça a raccroché, mon Tariq. Je t'embrasse, mon Tariq. Gros bisous, Tariq. Simon de Reims. Oui. Quel acteur joue le rôle principal dans Scarface? DiCaprio. Al Pacino. Ah, Vanessa. Vanessa. Mal au ventre. Ah, t'as vu, c'est dur. Comment s'appellent les inventeurs du cinéma? Les Frères Lumière. Bonne réponse. Ah, niveau, là. C'est qui a réalisé Titanic, Tiffen? James Cameron. Bonne réponse. Oh, putain. Et dernière salle, vous êtes plus que deux. La et, là, c'est, et là, c'est le vrai. Là. Attention, c'est parti. C'est mort subite, là, du coup. Attention. Vanessa, dans quelle ville japonaise est tombée la deuxième guerre la deuxième bombe nucléaire en 45? Il y a eu Hiroshima et ensuite il y a eu... Ah, j'aurais dit ça, moi. Trois. C'est pas celle-là? Deux. Moi, je sais. C'est quoi? Vas-y, vas-y, Vanessa. Nagasaki. Ouais, t'as soufflé malheureusement ouais. trop longtemps. Tiffen, tu gagnes au bravo. Bien joué. On va regarder, je crois qu'il y a plein de cadeaux à pouvoir te filer. On a un beau cadeau là. J'ai besoin d'un quoi offrir. On peut offrir une tablette. Eh ben t'as gagné 500 boules, Tiffen. Une tablette à 500 boules. Eh ben voilà, on va t'envoyer la tablette Samsung Galaxy Tab A, d'accord, Tiffen? Bien joué, Tiffen. Merci. Eh ben de rien. On t'envoie ça demain. Tu fais quoi, Tiffen, dans la vie, tu m'as dit là? Bah, je suis journaliste sportive. Ah ouais, c'est ça. Ah bah ouais, bravo. Putain, eh ben vas-y, écoute. Super. Tu connais depuis longtemps l'émission? Ouais, j'écoute tous les matins énergie. Quand je vais bosser en fait dans la voiture et je saoule tout le monde avec énergie toute la journée au ah, taf c'est vrai en fait. Ah, c'est trop sympa, merci beaucoup. Merci. Et le soir, voilà. T'écoutes souvent ou c'est la première fois? Ah non, de temps en temps j'écoute quand il n'y a rien à la télé et tout, je mets énergie et c'est voilà. Ah, c'est cool. Trop sympa, merci hein. beaucoup. Putain, ce sont vraiment des glands, Stockholm, l'Allemagne, olé, salut Fabiole Routier. Non, mais en fait, en vrai, avec franchement, c'est vrai qu'il était très malin, mais il allait vite et tout. C'est juste qu'en fait, avec la pression. Quand t'as 5 secondes pour répondre, du coup, ah tu bah dis oui. un truc au hasard. Quoi. Tu jettes un peu un caillou comme ouais, ça. Ouais, au cas où. Et c'est le syndrome de la partie d'échec que t'es en train de perdre, tu shootes dans la table. Ah oui. Parce que tu perds et du coup, t'es un peu énervé, tu shootes dans la table. C'est hyper dur quand tu. Il y a un jeu qui s'appelle comme ça, qui s'appelle s'appelle le No Panic. Ouais, un jeu de société. T'as déjà joué Tiffen au No Panic ou pas, non? Ouais, c'est vachement dur. Ah ouais, mais putain. C'est vrai que c'est chaud. Hein. C'est rigolo, en fait, bah, exactement. En fait, du coup, tu te retrouves comme ça à devoir. C'est hyper dur, quoi. Tu seras concentré. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais après, ça dépend. C'est un peu un jeu de chat. Ça dépend des questions sur lesquelles tu tombes. Bah, comme là. Bah ouais. T'as un mec ou pas, toi, du coup, là? Ouais, il est à côté. Il est mort de rire. Ah, c'est vrai? Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Timothée. Timothée, c'est combien de temps que vous êtes ensemble là? J'ai 24 ans, on s'est connus, on avait 16 ans, un truc comme ça. Ça fait 7 ans du coup. C'est vrai, donc, ouais, 8 ans. Négative attitude ou le véritable nature de Julien Stagiaire. Aussi, il devait profiter de ce week-end pour faire un petit tour au salon Zen afin de s'éveiller, s'ouvrir aux autres. Lui qui a l'esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui t'en veut, Julien Stagiaire. Pourquoi m'éveiller? La négative attitude ou la véritable attitude? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien dit, c'est vrai. T'as un contentieux avec quelqu'un ou quoi, Julien Stagiaire? Non, avec personne, non. Le 35-59, j'ai l'impression qu'il veut voir. Je suis blasé, elle souffle au même moment que je dis, et c'est moi qui suis disqualifié. Ah ouais, elle l'a dit. Ouais, mais malheureusement, vous avez 5 secondes, c'est un jeu de rapidité, il faut enchaîner. Je suis désolé, ma chérie, mais après, tu savais pas, t'inquiète. Il y aura d'autres jeux, on en fait tous les soirs des jeux. Non, mais bien sûr, attends. Bon, en tout cas, et ton mec là, ça va? Vous êtes libertin? Non, du tout. J'en sais rien. Ça aurait été énorme qu'elle te dise oui. Ah bah là. Parce que j'ai du flair, moi, pour ça. C'est vrai. Non, mais en fait, j'ai pas du flair. Ça sent au téléphone pourtant. Eh ben écoute, je vais te dire un truc. T'as une belle voix, non mais en vrai, c'est un truc de ouf. Ouais. J'ai souvent de la chatte quand je dis un truc. Ouais, c'est vrai, ouais. Plein de fois, je pars sur un dos et justement, je tombe dessus. Quoi. Un peu de la voyance. Quand parfois, je sors un énorme missile comme ça, genre machin. T'as pas un problème, t'as pas un œil en moins. Ah bah si, j'ai justement qu'un œil. Je te jure, mais c'est arrivé tellement de fois. À ton avis, il fait quoi ce mec dans la vie? Ah ouais, et ton mec, tu veux que je te dise ce qu'il fait ton mec? Vas-y. Je suis un peu mentaliste ce soir. Ah ouais. Vas-y. Attends, je vais. Laisse-moi... Il écoute aussi. Attends, ton mec? Ouais, il est là à côté. Je vois du bois autour de ton mec. Bof. Dans son métier? Non. Si. Bah si, tu le sais pas. Il va changer alors. Attends. Peut-être qu'il fait pas le métier qu'il me dit, ça c'est possible. Il a pas. Moi je te dis qu'il a. Non, je vois du bois. Non, je sens la matière. Boisée. Je sens la matière végétale. Bureau. Le parquet. Non, il a un rapport avec la nature. Pas du tout. Ouais, c'est ce que je te dis. Il n'est pas en rapport avec. Ouais, voilà. Non. Exactement. Je le vois assis à un bureau, ton mec. Il est plutôt debout sur une paillasse, mais bon. Bah, c'est ce que je te dis. Debout sur une paillasse et de temps en temps, il s'assoit pour faire une pause. Bah oui. Ou aux toilettes, s'assoit. Ouais. Non, par contre, je vais te dire un truc. Je le vois avec des cheveux raides et un peu blond avec des lunettes. Comment te dire? Bah, c'est à peu près ça. Il est brun avec les cheveux bouclés. Donc, bah voilà. Et t'as remarqué, c'est soit j'ai tout bon, soit j'ai tout faux. Ouais, ça arrive. Non mais il y a quand même un dose de. Il y a pas d'entre deux en fait. C'est soit tout bon, soit tout faux quoi. Exactement. On va bien trouver. Et je parie que tu es très belle, Tiffen. Ah ça, tu vois, t'as tout bon. Ah. T'as beaucoup de charme et du chien, Tiffen. Ouais bah j'ai 3 chiens autour de moi. Non, t'as du chien, c'est une expression pour dire t'as un peu de charisme. Élégance. Mais j'ai du chien aussi. C'est ce que je voulais dire aussi, les chiens. Ouais. Voilà. Ah, c'est ce que je voulais dire aussi. Oui, exactement. Je t'ai dit, le kleps, je l'ai senti. Et juste avant, j'ai parlé de kleps en plus. Voilà. J'ai fait croire à l'un d'entre vous que j'avais un chien dans le studio. Ouais. J'ai fait croire ça à Amine qui a gagné l'énigme. Ouais, tout ça, à l'heure. La Xbox One. La Xbox One, exactement. Ouais, je l'ai entendu. Et il travaille dans quoi alors finalement ton mec? Il est chimiste en fait. Ah ouais d'accord, comment tu veux que je le sache? Bah chimiste. Je le vois porter des blouses blanches. Ouais. Ah. Bah c'est ça. Ouais. C'est ça. Non, mais sans blague, par contre, tu sais, je vais te dire un truc que j'ai vu directement. Hein. C'est une sorte de don que j'ai de médium. J'ai senti tout de suite qu'il mettait tout le temps des chemises bleu ciel. Ah ouais? Ouais. Il a pas des chemises bleu ciel tout le temps? De temps en temps. Voilà. Ah, tu vois. Ah. Et il porte des chaussures noires en cuir. En 43. Des tennis façon chaussures un peu classe. Stan Smith. C'est 44, donc c'est pas loin. Ça c'est JM du standard, mais JM ça n'a aucun don. Ah ouais. Je sais. Mais t'exagères. Mais après on voit. J'aurais jamais cru que c'était comme ça. Dis-moi. Et ton mec, il est. Il a un penchant bisexuel. Je sais qu'il plaît aux homos, ça c'est vrai. Ouais. Mais après, lui, de son côté, il m'a jamais avoué. Et là, il rigole et il s'en va de la pièce. Donc, il a un côté un peu androgyne, ton mec, on est d'accord. Ouais. Non, plus jeune, surtout plus jeune. Ah, c'est vrai, ouais. Il a un peu de barbe, Timothée. Ouais, il a de la barbe, ouais. Ouais. C'est Timothée, c'est ça ton mec, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Dédicace, ouais, ouais. Si tu l'avais dit tout à l'heure. Parce que JM du Standard me dit, il me marche sur un papier, fais croire, tu découvres le nom, il a pissé. Et moi, je me suis rappelé que. Lui, il avait oublié. Et bah, en tout cas, vous avez une passion? Vous niquez beaucoup? Bah, là, du coup, sûrement après, ouais. Ah, il va être content alors. Parce qu'il va te montrer qu'il est pas gay. Ok, il va te la mettre dedans. Hein, va te montrer qu'il est bande dure. Ça a gagné notre record. Ah, c'est bien ça. Non, c'est... Il y a des chances, vous avez des jeux sexuels un peu originaux? Originaux, non. Non. Avec la chimie, c'est vrai, non. Ouais. Avec non, la pipette. Non, on a déjà fait des jeux de société. Non, bah, t'as jamais mis nu sur le fond de potassium sur. Lâche ta blouse. Pas de potassium, de potassium. Ouais. Non, vous avez jamais fait. C'est vrai, vous avez pas de jeux un peu originaux au lit? Oh, non, c'est l'autre. Ah ouais. Ouais. Policier voleur. Ça fait. Oh, l'autre. Ah ouais. Ah, mais non, mais c'est rigolo. Tu joues au McDo. Non, mais il y a des vidéos comme ça, c'est marrant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble là? Bah, ça doit faire, ouais, 7-8 ans. Ah ouais, quand même. Oui. Ah ouais. Ah, oui. Ah ouais, donc c'est moins souvent maintenant. Attends, 7-8 ans, tu baises moins quand même. C'est que le missionnaire. Ouais, quoi. Mais on est encore jeune, donc ça va. Ouais, non, mais c'est vachement bien, bravo. Attends, 24 ans, 7-8 ans, c'est-à-dire que tu sors avec lui depuis que t'as 17 ans. Tout le même corps, la même odeur. Il y a eu des coupures. Ah, pourquoi? Bah, quand on était plus jeune. Parce qu'il t'a trompé, par t'es qu'un homme. Non, on s'est connus à 16 ans, mais après, voilà, on s'était quittés en bonne et due forme, il n'y avait pas eu de soucis, on a. Voilà. Ouais. Après, c'est tout, on s'est remis ensemble et. On n'a pas connu que l'un et l'autre, en fait, voilà. Ah, c'est ouais, bien, ça. Ah ouais, c'est ouais, bien, ouais. C'est important. Ouais. Ah, vous avez Ken entre deux, quand même. T'as pu comparer? Ouais. Et alors bah, et je suis retournée vers lui, donc c'est lui le meilleur. Ouais, bah, tu sors pas forcément avec le meilleur que t'as, tu sors avec le mec qui t'apporte le plus d'amour. Ah non, mais le meilleur, il est meilleur que lui, meilleur hein, c'est sûr. Mmh. Ouais. Toujours meilleur partout. Non, mais c'est vachement, ouais, c'est clair. Et il est attentionné, il te fait des cadeaux toujours un peu, ou c'est un gros rapier? Ouais, ouais. Bah, demain à midi, on avait prévu d'aller au resto et tout. Il t'emmène où au resto? Dans une petite crêperie qu'on connaît, on aime bien, on a nos amis. Rien de mieux qu'une vraie crêperie, putain, j'adore ça. Crêpe au chocolat, j'ai envie de mettre. Putain, c'est bien ça. Et vous faites des crêpes, genre il est breton le mec? Non. Ouais. Mais on aime bien. Ouais, d'accord, ok, putain. Tu te crêpes. Tu sais quoi, j'ai mangé une fondue avec mes parents dimanche soir. J'ai mangé une fondue, j'ai un bouton sur le nez, mon pote, et il m'a duré une semaine le bouton. Ah ouais. Ah ouais, en fait, il faut savoir. Non, c'est le plateau de charcuterie qui va avec. Ah bah oui, toujours. C'est gras ça. La bonne cochonaille, là, Tiffen. T'aimes bien le jambon, toi, Tiffen? T'es une bouffeuse de graisse un peu, là? Nous, on a mangé raclette quand toi, t'as mangé. Ah, c'est vrai. Mais la raclette, pareil, et ça me donne des gloutons pendant une semaine. Ça va revenir. Ouais, putain, mais ça, moi j'ai pas de cul, il y a des gens, ils peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent, ils ont pas de, tu vois. Le star. Et, ouais, comme dirait Jessica, le star. Salut les mecs. Jeff, d'autres, vraiment trop marrés. Merci mec, vous êtes tous des dingues. Merci. Salut man. Super votre émission. Salut Jeff. Vous me faites vraiment trop marrer. Ah, j'ai reçu ton message, je vais écrire après. Salut frérot. C'est gentil, hein. Et ils nous font vraiment plaisir. Faut savoir que quand vous nous envoyez un petit texto, ça nous touche vraiment. Faut vraiment, il y en a qui croient qu'on les lit pas et tout. Je les lis toujours après l'émission, tous et tout ça. Donc merci beaucoup à tout le monde. De l'amour que vous nous envoyez par SMS et par téléphone parfois comme Tiffen et quand il nous parle de sa raclette et de ses expériences sexuelles entre son mec pendant qu'il y a une pause. Ouais. Il est au courant ton mec d'ailleurs des mecs avec qui t'as niqué pendant que tu l'avais quitté? Ah ouais, il y a pas de. C'est vrai? Ah, genre il les connaît. Il y a pas de secret. Ah ouais? Bon, il les connaît, enfin il voit qui c'est quoi, mais c'est tout. Après, c'était pas des potes ni rien. Hein, ouais. Non, ouais, d'accord. Ouais. Et toi, t'es au courant? Il voit qui c'est, le mec du village et tout. Attends, excuse-moi, les mecs du village, genre, quand vous croisez dans la rue, c'est que t'as Ken avec. Ah non, mais on n'habite pas un petit village non plus, hein, donc ça va, on se croise pas, on se voit pas, il n'y a pas de soucis. Hein. Moi, une fois, je suis déjà arrivé en soirée avec mon ex et elle avait couché avec deux mecs qui étaient dans la soirée. Ah ouais, oh merde. J'étais trop mal de mecs. Bah ouais, en fait, tu sais, quand t'as des gros cercles d'amis, dans des milieux un peu fermés, et tout le monde se connaît un peu. Machin. C'est la merde. Ah, j'ai déjà couché avec lui, comme ça tu le sais, c'est fait. Ouais. Ah bah oui, bon. Et là, t'es dans la soirée, il y a deux mecs qui l'ont ken, quoi. Tu fais, wow, c'est chaud, quoi. Ah, t'es pas là. Bah, tu t'en vas, franchement, non, ça fait chier. D'accord, c'est pas grave, non. Bah, c'est pas des potes, du coup. Ah ouais, j'aime le standard. Non, moi, ça t'est déjà arrivé ou pas, non? Non. De croiser un mec qui avait ken ta meuf. Ouais, ça a dû m'arriver, mais il y a longtemps, je me rappelle plus. Ouais, j'ai stagiaire. Moi, je kenais une meuf à une époque. Non, c'est. Et en fait, j'étais un peu l'amant. C'est vrai, c'est une histoire vraie. J'étais un peu l'amant de la meuf et j'ai rencontré son mec. Ah ouais. Je les ai croisés, voilà. Et alors ? Bah j'ai dit bonjour. Ah ouais, d'accord, ok. Et voilà, c'est tout. Il a dit bonjour. Non mais il m'a dit bonjour, j'ai dit bonjour, ouais, c'est tout. Je l'ai salué. Il savait, non mais le mec il savait pas, hein, mais il croyait que t'étais un pote. Ouais, un pote, voilà, vite fait. Donc, tu devais te gêner un peu, non ? Moi non. J'avais un peu bu, j'étais en mode un peu foufou, j'ai dit juste bonjour et après je me suis barré, mais le mec il était un peu. Il a dû lui demander par la suite qui j'étais, je pense. Ouais, d'accord. Ouais. Parce qu'un mec il dit bonjour comme ça. Bah non, bah c'est des contacts, hein. Bah, oui. Mais l'amitié garçon-fils c'est bizarre, non ? Bah non, pourquoi ça ? Ça en vaut débat, il est minuit, mais enfin. Dans une minute, il y a Gesto qui arrive. On lui demandera. Ça va être court, quoi. Ça t'est déjà arrivé, Flo, des cadeaux ou pas ? Ouais, bah moi je suis sorti avec une meuf et en fait c'est mon meilleur pote qui se l'est d'abord tapé et après moi je suis sorti avec. Ah ouais. Et donc on faisait souvent des soirées tous les trois ensemble. Ah ouais. Vous avez tous les deux qui aiment la même meuf. Ouais, voilà. Mais il n'y avait pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, ça, c'est dingue. Mais je l'ai pris vraiment à la suite. Mais de savoir qu'il y a un pote qui a niqué meuf, enfin ta meuf, c'est quand même bizarre, quoi. Ouais, mais on s'entendait tous les trois bien. Donc, je vais pas dans la soirée, moi. Ah ouais. Non, toi, tu vas pas, Julia. Ah ouais. Non, je vais pas dans la soirée. Ouais, c'est ça t'est déjà arrivé, du coup, de... parce que toi, t'es avec une meuf en couple en ce moment. C'est arrivé dans une soirée, puis il y a un autre mec qui la ken. Ah ouais, son ex, je le connais très bien. C'est un ancien pote à moi, donc. C'est vrai. En fait, on s'est mis ensemble, mais des années après. Que ce soit mon pote et je le vois souvent. Comment il l'a pris ? Ça doit être ouf. T'as deux copines, deux potes et sortent ensemble après. Ça doit être chelou. Il sait pas encore. Il le sait pas ? Non. Bah quand c'est il vrai le saura. Ah ouais, je te jure. Mais il le sait pas de quoi ? Parce qu'on le dit pas trop à tout le monde, quoi. Ah bon ? Non. Elle le dit sur Énergie, toi. Oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai, dans ton entourage, tout le monde ne sait pas que t'es bi. Bah, mes copines proches, si, mais pas les gens au cercle, au deuxième cercle d'amis. Quoi. Alors, il y a le premier, il y a le deuxième. Voilà, mon cousin Germain. Les connaissances, ils ne le savent pas. Quoi. Tu le dis tous les soirs à la radio. Bah ouais, mais bon, peut-être qu'ils n'écoutent pas pile poil à ce moment-là. Ouais, sûrement, une fois, ils ne savent pas exactement qui c'est. Quoi, ça. Ah ouais, putain, c'est fou. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Hein. Hey, Tiffaine, je t'envoie le cadeau demain matin, d'accord ? Ça marche. Ok, tu veux faire une dernière dédicace avant de partir ? Dédicace à mon chéri, à ma belle-sœur qui doit m'écouter, qui doit être mort de rire devant sa radio. Ça a prévenu la petite famille. Ouais. Ah bah oui. T'as raison. Attends, on passe à la radio parce que c'est pas tous les soirs. Hein, faut prévenir les potes. Ah bah c'est clair. Hein. Et représente. Ils savent que je joue à chaque fois et que on m'appelle Samé. Là, du coup, ils doivent se dire ouais. Mais c'est vrai, tu joues souvent avec nous aussi le soir. Mais presque tout le temps. Ah bah voilà. Mais comme quoi ça pour marche vraiment. Pour l'iPhone 7, je fais que ça. Je passe ma journée à écouter pour le double hit. Quoi. Je passe mes journées. Voilà. Il y en a beaucoup. Voilà. Et bah, je vais te dire un truc. Tu veux un iPhone 7 ? Ouais. Et bah, retente demain. Non, mais putain, mais j'en ai pas. J'aurais bien aimé. Putain, ça aurait fait une belle fin de semaine, là. Ouais. Et bah, tu veux un iPhone 7, et bah, tu l'as gagné. Voilà. Non, mais je l'ai pas. Je rigole. Chez Apple, bien. J'aurais bien aimé dire ça, quoi. C'est depuis que ça que je suis devenu dégarni. J'ai pas compris. Moi non plus. Vous n'avez pas fait. Ah ouais, putain, on a pas fait le. Ouais. Non, mais. C'est et semaine prochaine, on repart sur les chapeaux de roue et on fait tous les jeux, parce qu'on fait plus de jeux. Hein. Ouais, on parle et puis on parle. On n'est pas venu pour parler, Tiffany, faire de la radio. Non, bah ouais. Ça va, c'est sympa de Haï-sur-Noix, là, ton village, dans le 80. Bah ouais, franchement, cool. C'est Haï, on dit Haï-sur-Noix. Ouais, Haï-sur-Noix, ouais. Je connais pas. C'est à combien de kilomètres de Paris, ça? C'est en kilomètres, je sais pas, mais ça en train, une heure. Ouais, à peu près une heure. Ah, ça va. Ouais, ça va, c'est sympa, c'est pas, ça craint pas le soir et tout? Non, du tout, non. Ouais, c'est entre la ville et le village, en fait. C'est le bon compromis entre les deux. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, vers Amiens. Ouais, je connais pas trop, je suis jamais passé à Haï-sur-Noix, mais dédicace, hein, les Haï-sur-Noisiens, là. Ouais. Haïsiens, je crois. Les Haïsiens, bah salut les mecs. Ouais. Hein. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Je te repasse JM du standard au flot des cadeaux. Ouais, semaine prochaine, vous pouvez Guillaume. Vas-y, enchaîne. On l'a ? iPhone 7. Ah, on a l'iPhone 7 la semaine prochaine, Tiffen. iPad Air 2. On a les deux. Voilà. Et bien, Haï-sur-Noix est une commune française située dans le département de la Somme, en région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Ses habitants s'appellent les Haïtiens. Ah ouais. Ah, comme Haïti. C'est beau, ça. D'accord. Voilà. Gros bisous, ma chérie Tiffen. Bisous. Gros bisous. Hein. Salut. Et bisous, Timothée, aussi, le mec. Salut. Ouais. Salut tout le monde. Vous pouvez faire des bisous. Dédicace représente. 2880 habitants, on est content. Allez, voilà. Comme ça, on a tout appris ce soir. À demain, à lundi, Gestagia. À lundi, Guillaume, week-end. À lundi, j'aime du sang. Salut, Guillaume, week-end. À lundi, Julia. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Flo des cadeaux. Bon week-end, à lundi. Allez, gros bisous, les mecs. Merci beaucoup pour les messages, ça fait plaisir. Comment elle a prévenu ses proches alors que tu appelles au dernier moment, arnaque ? Je pense qu'elle a prévenu ses proches parce que c'est son mec qui a appelé. Voilà, ouais. Oui, bah oui, voilà, ouais. Non, parce qu'il faut savoir que tu es passé à la radio, mais tout le monde pense, là, il y a toujours des connards qui vont penser que c'est un complot. C'est vrai, voilà. Et qu'on te connaît. On était genre devant Koh-Lanta, il n'y avait pas de complot, quoi. Voilà. C'était pas prévu, ni rien. Voilà. Et pourquoi il écoutait la radio s'il regardait Koh-Lanta ? Moi, ça m'intéressait pas trop, donc voilà, j'ai mis la radio. Elle doit être la fille du patron de Skyrock, celle-là. Illuminati, Triangle. Allez, c'est parti, le complot. Satan. Théorie du complot, le 11 septembre, on passe sur la lune. Michael Jackson est vivant. Oh. Voilà, c'est bon, on les a tous fait. Allez, gros bisous, Tiffen. Et bon week-end. bon week-end les potos. On se retrouve lundi hein, sur l'énergie à partir de 22h. On fait 22h minuit tous les soirs. J'espère que vous avez passé un bon week-end. T'as prévu quoi, Jim Sandar, ce week-end? Je vais tester FIFA 17 et sortir avec les potes. Ah, ouais. Très bien. Tu l'as acheté FIFA 17? Non, pas encore, demain. Demain ouais. Et tu vas sortir. Je suis un stagiaire. Moi, je fais un beer pong demain dans un bar. Ah. Avec des potes, bon, on a prévu un beer pong. Ah ouais, tu dis pas beer pong? Beer pong, ouais, plutôt. Beer pong. Ouais, il fait en français. À la française, on a réservé demain un petit bar où il y a un beer pong. Un beer pong, donc. Ah, c'est très bien. On y va, voilà. Ouais, c'est marrant à faire ça. Ouais, ça va être rigolo. Julia? Bah, tranquille, anniversaire de mon grand frère en famille. D'accord, ok, tranquille. Ouais. Et toi, Frigolo? Bah, moi j'ai un pote qui a débarqué chez moi, donc je vais passer le week-end avec lui. D'accord, ok. Il est chez moi là. Très bien. Et bah, vas-y, avec ton frère? Non, non, avec un de mes potes. D'accord, ok. Comment il s'appelle ton frère? Mon frère, Maxime. Ah ouais, parce que j'ai oublié. Bonne nuit à tous. Depuis que je suis en 6ème, j'ai l'iPhone 3GS. Salut frérot. Ah bah, vous savez quoi? Et rendez-vous la semaine prochaine dans les iPhone 7. Je vous fais un gros bisou. Est-ce qu'il est prêt, Tiesto? Eh bah, il est prêt, il me fait coucou. Il est là. J'appuie sur ce petit bouton et je l'envoie sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous follow, hein, Guillaume Play, P-L-E-Y. Et tous ceux qui ont la petite peluche de Jean-Marc, le singe de Jeff Panacloc, faites-nous une vidéo avec. Vous me l'envoyez sur guillaume@energie.com et je la passerai dans Touche pas mon poste lundi soir. Gros bisous les mecs, minuit 6. Merci d'être de plus en plus nombreux à être là. C'est un vrai kiff d'être avec vous le soir sur Énergie. Si vous sortez, kiffez bien, je vous laisse avec Tiesto. Vous entrez maintenant dans le plus grand club du monde. Les plus grosses bombes dance, toutes les meilleures exclus. L'émission dance numéro 1 sur la première radio musicale de France. Énergie. Allez, juste après Guillaume Radio 2.0, on démarre officiellement la top du week-end. Énergie Extravadène jusqu'à 6h du mat. Il y aura Armin Van Buren, il y aura Sander Van Dorn, il y aura Steve Aoki. Et là pour démarrer, c'est Tiesto qui s'installe. Tiesto au platine d'Énergie Extravadens. On est parti pour 2 heures de mix. Let's go! Tous les week-ends, minuit, Énergie Extravadance. La plus grosse salle de France démarre. Maintenant. Around the world right now, millions of people are talking about one thing. Just can't wait for tonight. To get on the VIP list. Oh yeah. Where their club life will take them tonight. The next 2 hours, get ready to be transported to your favorite club with your favorite DJ. Featuring the best music from around the world. This is Club Life by Tiesto. Such a fool, world saving all my love for you. Chip teamed up with the vocalist Zane for a big summer hit, Cruel. And now the remixes are out, including the great progressive remix of Jay Pryor, coming up on this week's episode of Club Life by Tiësto. Music by Sick Dope and the Chainsmokers, and a very special guest mix by Martin Garrix. Now the mysterious producer M1 from Melbourne, who started his next track as a bootleg of a Mariah Carey classic. This is Emotions, the J-Lon Patch Club Mix. Tiësto, Club Life. Dans Énergie Extravagance. facebook.com/Tiesto. Extravagance.